bienvenue dans votre Family Pack mensuel. Très heureux de vous retrouver donc en audio hein, sur tous les portails de podcasts possibles et inimaginables, même ceux que vous ne connaissez pas encore, et en vidéo pour nos chers soutiens Patreon. Donc moi c'est Bruno, je suis comme d'habitude accompagné de Madame Maman, alias Natacha, ou inversement. Salut tout le monde. Et Axel, 13 ans, toujours présent avec nous. Oui, non, c'est pas du slam, hein. Voilà, je vais pas aimer. Grand corps malade, tu ne risques rien. Comment ça va, Axel? Bah écoute, moi ça va très bien. Oh, voilà, joli, très bonne imitation, Madame Maman, ça va bien? Oh oui, toujours, toujours. Moi bon. Toujours contente d'être là. Vous le savez, Family Pack, donc c'est tous les mois, on parle de jeux vidéo en famille. Je précise à nouveau, puisqu'on m'a parfois posé la question, je le répète, il n'y a pas besoin donc d'être parent pour en profiter de Family Pack, c'est juste que il y a des voix supplémentaires, il y a des points de vue, notamment celui d'Axel, qui change un petit peu de ce qu'on entend habituellement dans les podcasts de jeux vidéo. Vous avez l'avis du vieux bourlingueur que je suis, et donc Madame Maman, qui elle est gameuse depuis quelques années, et rédactrice en chef de Geeks by Girl, notre partenaire que l'on remercie activement, vraiment, que ce soit pour les jeux, que ce soit pour la visibilité, heureusement que cette bande de girls power est là. Et on a quand même des rédacteurs hommes, mais ils assument très bien leur part de féminité, donc ça va. Ils ont bien raison, on les salue également. Et si vous avez envie d'être partenaire avec nous, pourquoi pas, je fais encore un appel à Dekeko, Maria, qui peut sofa. Pour le terrain et sofa. Où est-ce que notre canapé commence à être, un peu... J'en profite. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, malheureusement, C'est pas le canapé, mais... le sujet de l'émission. Voilà, c'est pas le mais canapé. Si vous voulez un spin-off, on veut bien. Tout le monde s'en fout. On fera peut-être un spin-off sur les canapés, juste pour avoir un poltronné sofa. On va savoir. Voilà. Sinon, que dire? Oui, rappelez que sur notre Patreon, on a des stretch goals aussi. N'hésitez pas à aller voir ça. Et qu'à partir de certaines sommes cumulées mensuellement... sur le Patreon, on a plein de gros projets, comme une émission rétro, comme une chaîne Twitch, enfin plein de choses assez cool, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'émission. Bref, je crois que j'ai un petit peu tout dit. N'est-il pas grand temps, grand temps, de passer aux news, du moins en tout cas celles que l'on a retenues, puisque il y a curation, il y a sélection de notre part. C'est aussi un peu notre différence à nous qu'on a. Et donc, sans plus tarder, sans transition, je vous propose qu'on passe donc aux news de ce mois. Pour les news de ce mois-ci, donc comme d'habitude, on a fait une sélection et on a retenu trois thèmes principaux. Et on va commencer, et Axel, qui est un petit peu le monsieur chiffre de l'émission, pour ceux qui écoutent Family Pack depuis Je suis un chiffre. Voilà. Je ne suis pas un numéro, pour ceux qui écoutent l'émission. Mais si vous voulez que je le donne, moi je veux bien. Non, je rigole. Depuis l'ancienne... Marcelez pas d'appel, s'il vous plaît. Formule. On a reçu le bilan du syndicat national du jeu vidéo. Alors le bilan, pas du syndicat, mais non, le bilan... le baromètre 2023. Du jeu vidéo et baromètre, du coup... qui porte sur les chiffres de 2022, bien évidemment. Voilà. C'est un PDF que vous pouvez retrouver sur le site officiel du syndicat national du jeu vidéo. Qui va s'afficher ici. Voilà, le SNJV pour les intimes. Donc, c'est le bilan 2023. Et donc, fatalement, ce sont des chiffres de l'année 2022. Et il y a beaucoup d'informations, mais on va juste, pour vous donner un petit peu envie d'aller en savoir plus, vous donner les chiffres, enfin Axel va vous donner les chiffres des enseignements clés pour l'année 2022, et rien que ce volet, il y a déjà beaucoup de choses à savoir. Axel, tu as sorti ton smartphone technologique moderne des années 2020, donc là, sur la première slide, on a déjà 6 données qui me paraissent importantes sur l'année 2022 du jeu vidéo en France. Ça pourrait être pas mal déjà de commencer sur la production de jeux vidéo, d'avoir un peu comme ça une vision un peu globale du marché. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire donc Axel sur l'année 2022? Nous t'écoutons religieusement. Donc en termes de production de jeux vidéo, on a eu près de 1260 jeux en cours de production et plus de 850 nouvelles IP créées. Donc autant dire que c'est beaucoup. Alors IP, IP IP hein, quand on veut se la jouer business. Des nouveaux jeux, c'est-à-dire ? Voilà, ce sont des nouvelles propriétés intellectuelles en fait. Donc c'est-à-dire que ce sont pas des suites de jeux, ce sont des jeux originaux quoi. Voilà, ce sont des titres originaux qui ont été créés. Et là, on est que sur les chiffres de la France, hein. C'est quand même impressionnant comme ouais, chiffre. Ouais, franchement, c'est 850 nouvelles IP. Ouais, je suis assez impressionné. Mais c'est, voilà, si tant est qu'il était besoin de le prouver encore, le marché est florissant pour le coup. Enfin, florissant et oui, depuis bien longtemps ouais. Déjà en France. On est vraiment une terre de jeux vidéo reconnue mondialement pour ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on apprend d'autre de beau ? Dis-moi tout. Eh bien, en termes d'emploi, du coup, on a 76% d'emploi en CDI. Du coup, si vous voulez signer un CDI, bah venez, c'est le moment. Donc, et aussi 24%. Sont des femmes au sein des studios, donc oui, c'est un... Ouais, ça reste un milieu quand même très, très masculin, quand même. Alors, hein. Ça a évolué. Ça a évolué, dans le bon sens, mais 24%, c'est pas énorme. Hein. Pas par contre, 76% de CDI, je suis épaté. Alors ça, déjà, c'est bien. On a toujours l'image du jeu vidéo qui est mais un peu être déçu précaire. Du nombre de femmes, puisque c'est vrai qu'entre le boulot admirable qu'on salue d'organisations, d'associations comme Women in Games, par exemple, et d'autres. Les femmes dans le jeu vidéo sont beaucoup mises en avant ces derniers temps, et c'est vrai que naïvement, peut-être, on avait l'impression que l'équilibre commençait à être presque... À être retrouvé, et en fait, bah, pas tant que ça, apparemment. 24%, c'est un quart, quoi. Hein. Mmh. C'est même un peu moins d'un quart. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, il y a des efforts hein, qui sont faits, il n'y a pas de la mauvaise volonté, c'est clair, mais on est quand même encore loin du compte, très très loin. Ensuite, Axel, sur l'emploi, donc on a dit 76% d'emploi en CDI, ça mm-hmm. C'est très très bien. Oui, nous qui avons toujours, on a toujours un peu une image un peu d'un milieu précaire dans le jeu vidéo, et en fait non, pas tant que ça finalement. Alors, pareil, c'est peut-être à nuancer aussi, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de sous-traitance, alors... Mais globalement, on va dire que c'est quand même, on va rester positif, hein, sans jouer les bisounours, on va quand même rester positif. 76% d'emploi en CDI, c'est quand même pas mal. Aussi, autre stat en termes d'emploi, on a entre 400 et 600 créations d'emplois au sein des studios de développement en 2022. Alors là, 2023. C'est en 2020. Oui, ça prête à confusion parce que c'est les anciennement clés de 2022 et là, ça parle de 2023. Voilà, vous le verrez que parfois ça s'entremêle, mais bon bah c'est très bien. C'est du entre bon 400 chiffre, et 600 hein. Créations. 400 et 600. C'est pas mal du tout. Mm. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre ? Donc en termes de situation financière, on a 27% des studios qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Du coup, les jeux vidéo c'est bénef. Hein. Plus de 80% des entreprises ont un capital majoritairement français. Ça fait plaisir, merci la moula. Et 10% des studios ont levé des fonds en 2022. Encore merci la thune. Moi, je crois que toi, ton CDI sur BFM Business, c'est pas pour tout de suite. C'est pas encore maintenant ou dans les échos. C'est pas encore pour maintenant. Alors après, à l'international. Du coup, en international, 85% des studios considèrent que la France est un territoire attractif. Super. Près d'un tiers des studios c'est des dispositifs fiscaux comme facteur majeur d'attractivité. Un dernier, peut-être petit, une dernière petite donnée sur le télétravail. Un tiers des entreprises a adopté un rythme de télétravail à temps plein. Super, pas besoin de se taper les transports. Hein. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Alors c'est vrai que le télétravail c'est incroyable parce que je me souviens qu'avant c'était un peu regardé comme quelque chose d'assez, on va dire, folklorique, et maintenant le Covid est passé par là. Le Covid est passé par là. Et maintenant, il est vrai que dans certains secteurs, le fait de d'œuvrer en télétravail, ça ajoute quand même une qualité de vie, un bien-être pour l'employé, et qui se ressent aussi sur la qualité du travail. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Bah merci Axel pour ces chiffres. Alors il y a énormément de données, hein, on aurait pu faire une émission entière dessus. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site du Syndicat National du Jeu Vidéo. Vous le tapez sur Google, hein, vous le trouvez très rapidement. Et la première chose que vous tombez sur le site, c'est ce bilan-là. Donc le baromètre annuel du jeu vidéo en France, édition 2023. C'est des chiffres qui sont plutôt encourageants. je me répète, voilà, 24% de femmes, c'est la seule chose qui m'a vraiment désagréablement étonné. Un peu interloqué. Ouais, c'est vrai, je m'attendais qu'on on avait passé ce stade-là, mais on sait que voilà, beaucoup font des efforts là-dessus. Après, il faudrait voir ce qui serait intéressant. Je ne sais pas si c'est dans le bilan, parce qu'on l'a survolé, hein. On n'a pas non plus... Il y a certaines slides que j'ai pas encore eu le temps d'étudier, pour ainsi dire. Ce serait intéressant de voir dans les écoles de jeux vidéo, parce que les écoles françaises de jeux vidéo sont assez renommées, voir la proportion d'élèves masculins et d'élèves féminins. Ce serait intéressant de voir aussi un petit peu. Ça expliquerait peut-être aussi en partie cette tendance, je ne sais pas. En tout cas, merci Axel pour ces chiffres. On va passer à... n'hésitez pas, comme d'hab, hein, sur les réseaux sociaux ou sur le Discord pour les Patreons de nous faire part de vos réactions là-dessus. On va là, je vais laisser la parole un petit peu à Madame Maman, puisque s'est déroulée la Paris Games Week. Là, nous, on en sort à peine. Donc moi, pour le travail côté Omaki Books, côté éditeur, Maman pour Geeks by Girl, une édition qui, globalement, j'ai trouvé beaucoup plus dynamique et sympathique que la précédente. Axel était là aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on n'a pas encore des chiffres officiels au moment où on enregistre, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette Paris Games Week cette année? En fait, le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'était beaucoup plus grand que l'année dernière, puisque l'année dernière, on était sur une édition un peu revival, qui revenait après l'arrêt du Covid. Donc, c'est vrai que l'année dernière, les organisateurs avaient joué un peu la sécurité en réduisant l'espace du salon. Là, on avait trois pavillons, en fait, de la porte des expos de Versailles qui étaient disponibles pour le salon. Donc, il y avait des grands espaces qui étaient un peu vides, notamment du côté de la Paris Games Week Family, où il y avait tout ce qui était association. Donc, vous aviez MO5, vous aviez Pixel Social. On avait aussi l'association Cap Game qui s'occupe de développer des contrôleurs pour les gens en situation de handicap. Donc, c'est une association que j'aime beaucoup, qu'on a été voir avec Axel. Et dans un autre hall, on avait tout ce qui était e-sport. Donc là, c'était relié avec du sport en général. Donc vous aviez une piste de skate, vous aviez un terrain de basket et vous aviez une grande scène sur laquelle avaient lieu les tournois d'e-sport. Donc je sais qu'il y avait eu le... Alors je crois que c'est la Coupe de France, la Banque Postale qui a eu lieu, la finale de la Coupe de France, la Banque Postale qui a eu lieu le dimanche, je crois. Donc il y a plein d'événements e-sport qui ont eu lieu pendant les 5 jours, il y a eu pas mal de choses dans le pavillon 1, vous aviez beaucoup d'éditeurs qui étaient là. Donc le pavillon a été celui qui était le plus entre guillemets peuplé. Vous aviez beaucoup d'éditeurs qui étaient là, vous aviez Nintendo, vous aviez Ubisoft, il y avait Xbox, il y avait beaucoup de constructeurs Square aussi Enix. De machines, il y avait Square Enix. Il y avait PlayOn, enfin il y en avait beaucoup. Il y avait aussi certains, je me permets de te couper, excuse-moi, il y a certains dont la présence m'avait agréablement étonné. Il y avait Arc System Works, par exemple, ils avaient une toute petite... une toute petite guérite, mais ils étaient là. Voilà, avec même les devs japonais qui étaient là sur place pour voilà, montrer le dernier Guilty Gear. Et il y avait un gros stand sur les jeux Made in France, puisqu'on en parlait avec le baromètre du jeu vidéo. Oui, les écoles aussi. Il y avait pas mal d'écoles. Il y avait bon, bien évidemment, les petites guérites de nourriture, ainsi que les petites guérites de goodies qui étaient là aussi. Mais globalement, quand même beaucoup moins qu'à la Japan Expo. Là, on s'était vraiment recentré sur le jeu vidéo et sur les... surtout ce qui était constructeur de PC, périphériques et autres. Et pour le coup, j'ai trouvé que cette édition était un peu moins fouillie que précédemment. C'est une édition que j'ai beaucoup appréciée. On sent qu'ils reprennent leur marque, là. Voilà. Et finalement, on avait peur qu'il n'y ait pas d'éditeur, parce qu'avec la Gamescom, que tout le monde ait misé sur la Gamescom et que personne ne vienne à la Paris Games Week. Et en fait, c'était pas du tout le cas. On a pu essayer pas mal de jeux, dont Final Fantasy VII Rebirth, Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica, Jeux qu'on n'attend pas du tout, hein, bien sûr. Non, bien sûr que des jeux que je n'ai pas en test, évidemment. Mais il y avait énormément de jeux à tester, il y avait énormément d'activités à faire, et finalement, moi, j'ai beaucoup apprécié cette Paris Games Week. pour le coup. Moi aussi, les stands, des stands très jolis. Alors, c'est vrai qu'il y avait des espaces qui étaient assez... Certains ont critiqué dès qu'il y avait des espaces. Il y avait Warner Bros. Aussi, j'ai oublié. Très grosse salle, Warner Bros. Mais c'était chouette parce qu'on pouvait, quand même bien se déplacer dans les allées. Il y avait de la place. Sauf le samedi. Le samedi, c'était tellement blindé l'après-midi que c'était très compliqué de circuler. On a essayé un petit peu avec Axel. Bah avant de demander ton avis, Axel, d'ailleurs, moi, juste rapidement, je retiens le stand Spider-Man 2, qui était très très beau. Oui, parce qu'il y avait un gros stand Sony PlayStation. Spider-Man 2, dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs, fait partie des jeux du mois. Il y avait donc le stand Square Enix qui était vraiment magnifiquement beau, enfin, à la gloire de Final Fantasy VII Rebirth, et moi ça me va tout à fait. Ouais, il y avait vraiment des chouettes choses. Le stand Sega était très mignon aussi, Sega était là. Il y avait un... Alors Sega était là en... Un Dr. Robotnik en Lego. Sur Playon, en fait. C'était le site Playon. Sega était sur le site Playon. Ah oui, parce que c'est Playon qui s'occupe, voilà, il y a... Bon, puis Nintendo, tu l'as dit, c'est eux qui avaient le plus gros stand, on voyait qu'il y avait... Oui, mais alors Nintendo, comme à chaque fois, que des jeux qui sont déjà sortis. Bien sûr, ce bien qui sûr. Est un petit peu dommage. Parce bon. Que vu le calendrier de ce qui nous attend, ils auraient pu essayer de faire un effort et de mettre quelques jeux en présentation qui n'étaient pas encore sortis. C'était à la gloire du deuxième gros jeu du mois dont on va vous parler tout à l'heure, qui est le... Ah bah là, c'était Super Mario Wonder à fond, voilà. Les ballons. Je ne pouvais pas décrocher des grandes fresques, voilà. Avec les fleurs prodiges, là, c'était magnifique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Axel, de la... Alors, c'est vrai que toi, pour être tout à fait transparent avec vous, nous, on y a surtout été le week-end. Axel nous a aidés, comme Madame Maman, sur le stand au Mackey Books. Mais en même temps, Axel a fait des petits tours aussi en tant que visiteur, parfois tout seul, parfois avec nous. Globalement, j'ai cru comprendre que quand même, que t'avais bien aimé. Bah, faut dire que oui, la Paris Games Week de cette année, c'était vraiment très sympa. Alors qu'on dise les termes, l'année dernière, c'était nul. Voilà, je pense. Là, c'était l'année de la reprise après le Covid. Bon, c'était quand même. Bah, je m'en fous, c'était nul. Voilà. D'accord. Sans pitié, comme donc, toujours. Donc, ah non, mais là, voilà, bref. Comme Homer, c'est nul. C'est nul. Boring. Bon, pardon. Donc, oui, cette année, j'ai vraiment apprécié. Il y avait plein de stands partout. D'ailleurs, pour ceux qui ont été au stand Nintendo, on a pu voir la finale. Du tournoi à Smash que j'ai vu d'ailleurs qui était vachement incroyable. Ah cool. On dise Ah c'est pour ça termes. Que ça gueulait beaucoup. Voilà. Du coup dédicace à Amine, oui, parce qu'il s'appelle comme ça le mec a gagné car sur le trophée du coup Ah bah bravo Amine. Voilà, GG Amine, hein, voilà. Et puis dédicace à l'autre l'autre concurrent, le finaliste. Ouais, j'ai oublié le nom. Moi qui ai une mémoire de prénom nulle, c'est pas moi qui te critiquerait là-dessus. Mais on félicite le second, s'il se reconnaît, bon voilà, bravo à lui quand même, parce que arriver en finale, à mon avis, ça devait être... Ça devait être assez coton, ouais, je pense coton. qu'il devait y avoir du level, je pense. Ouais, il y avait de l'ambiance, quoi. Pour toi, l'ambiance était bonne. Ah ouais, ça gueulait beaucoup, mais bon, moi je m'en fous, hein. Je reste dans l'ambiance. Donc oui, c'était très... Restylé. Et puis aussi plein de stands, partout où on pouvait croiser des youtubeurs ou plein de choses comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu, il y avait plein de youtubeurs, il y avait Loclear, il y avait Dejna, bref, plein de youtubeurs. Il y avait Conquerax. Conquerax, qui oui, nous fait un coucou qu'on salue d'ailleurs, Conquerax. Sushinilist aussi. Coucou Conquerax. Qui est vraiment super, super sympa. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Bon, vous le connaissez de toute façon, hein. Il a pas besoin de nous pour avoir non, de la il vue, a pas... mais c'était pour lui passer un coucou, pour le remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité. Vraiment un mec en or, et en plus, Sushinilist. Il s'appelle Axel, comme toi. Oui, bon, Sushinilist pas... aussi, que Jonathan, qu'on salue, qui écrit aussi dans un excellent magazine. Alors j'en fais pas la pub. Autopromo. Je ne fais pas la pub parce que je suis le rédacteur en chef, mais qui s'appelle Rétro Laser, tous les 3 mois, le meilleur de la pop culture, merci. Et je te laisse reprendre, Axel. J'arrête les pubs. Oui, parce que c'est bon, le placement de produit. On n'est pas sur YouTube non plus. Donc, on est sur YouTube aussi. Oui, mais non, là, de base, on est sur podcast, hein, d'accord. Ah, oh. Alors, du coup, pour en reprendre, désolé de cette, petit désagrément. Oh, désolé pour ce petit désagrément. Donc, oui, il y avait plein de stands partout, plein de sujets différents. Du coup, il y avait vraiment de quoi faire. Donc, il y avait la bouffe, plein de diversité, les principaux éditeurs, Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox, enfin voilà. Tout le monde était là, enfin presque tout le monde. Voilà. En tout cas, des acteurs majeurs étaient présents. Donc autant dire, c'était tranquille. Et une bonne ambiance, quoi, les gens contents d'être là, des cosplays vraiment cool. Globalement, bon, bah, c'était chouette, quoi. Moi, bah, je savais, je sais pas si nous écouterons, mais ceux que j'ai croisés, qui sont venus nous voir au stand Omake Books, notamment, toujours des super discussions, vraiment des débats, super cool, des moments chaleureux, des belles rencontres. Et plein de retrouvailles aussi. Plein de lecteurs, plein de belles discussions avec les lecteurs aussi. Oui, parce que tu as dédicacé tes livres Harry Potter, toi aussi. Oui, bah, toi aussi. Et moi, j'ai fait, oui, parce que ce qui rend la rente en plus exceptionnelle, c'est que moi, personnellement, j'ai fait des masterclass de mon côté. D'ailleurs, si vous avez assisté la scène en direct, bah super quoi. Bon, je pense pas, mais t'as voilà. Fait des happenings artistiques avec des peluches. Oui, avec mon petit chat kawaii noir, donc et le petit chat kawaii blanc, voilà. Alors comment non, l'autre il tient pas. Comment on les a nommés? Non, ça reste privé, ça reste un mythe. Trouver, ça reste un mythe. Voilà, on... Moi, je suis fier. Moi, je t'ai soumis deux noms. Moi, j'y trouve sympa. On dira des indices, bon, si vous voulez un jour. Ce serait une exclusivité sur Discord pour nos Patreons. Voilà. Je sais pas si ça va faire venir des abonnés, non, mais ça, mais bon. Je le dirai peut-être un jour en émission, mais voilà. Là, c'est trop tôt. On n'attire pas la thune. Donc, pour en venir, oui, du coup, j'avais le petit chat kawaii noir sur ma tronche, tout simplement, et je descendais des escaliers, sans le faire tomber. Donc, oui, il y avait plein de gens qui me regardaient et tout. Même un mec qui m'a filmé, il y avait Théo aussi de Unchained, voilà, pour ceux qui connaissent, qui est resté quand même pour voir. Du coup, il m'a dit voilà. C'est une chaîne tout. YouTube, ça? Oui, enfin, un pote d'un youtubeur est connu. D'accord. Et tout. Oui, le YouTube game français, tu connais pas trop, je suis désolé, mais voilà. Bah, si, mais celui des vieux, quoi. Enfin, tu connais les bases, mais pas le plus profond. Bah, je connais le YouTube en noir et blanc, quoi. Après, c'est vrai que dès qu'on est passé à la couleur, j'ai un peu décroché. Malheureusement. Dès qu'on est passé au parlant, j'ai décroché. Donc, oui, il y avait plein de monde et tout. Je me mettais à faire la statue. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je faisais la statue. Y compris sur tant de maquets, il l'a fait. Hein. Ouais. Et donc, ça a fait beaucoup de monde. Donc, voilà, moi, j'étais... voilà, t'étais content, la statue. Quoi. Voilà. Voilà, donc en fait, une bonne édition pour toi, quoi, grosso modo. Oui, voilà. Je me suis baladé et tout, tranquille. Et nous, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est que pour l'édition 2024, c'est que certains viennent nous voir en disant... Ah, c'est vous, Family Pack? Ah, ce serait stylé. Mais nous, ça fait... Enfin, avec Axel, quand on se balade, ça fait deux fois qu'on nous fait le coup. Hein. Japan Expo, ça nous est déjà arrivé. Je suis en train de bosser au stand Omake, donc... Ouais. Japan Expo, ça nous est déjà arrivé. Et c'était à la Paris Games Week de l'année dernière, quand on avait vu... Non, c'était la Paris Games Week. On n'y est pas allé. Non, c'était le Paris Fan Festival. Ah, oui, c'était oui, au Paris Fan Festival et à la Japan Expo de cette année qu'on nous avait reconnus. C'est vrai. Bon, en tout cas, une bonne édition. On va finir ce segment news avec l'annonce, enfin l'officialisation d'un film Zelda en préparation. Ce qui est top, c'est que déjà, c'est Nintendo et Sony Pictures qui s'associent pour un film live. Alors, c'est vraiment pas la bonne nouvelle pour moi parce que j'ai très très peur de ce qui va en ressortir. Mais toi, t'as tout le temps peur dès qu'il y a une sortie qu'on dise. Non, c'est surtout le fait que ce soit en live. Ils auraient proposé un film en animation comme ils ont fait pour Mario, j'aurais été la plus heureuse du monde. Là, en live. Alors, je vous donne les infos. Nintendo, co-financera plus de 50% du film. Visiblement, donc, en partenariat avec Sony Pictures. Et c'est Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus main dans la main avec le producteur Avi Arad, qui vont être sur le coup. Avi Arad, alors, il a 75 ans, est-ce que vous le saviez? Il a produit pas mal de films, dont... Uncharted, il n'y a pas si longtemps, mais sinon, on lui doit Spider-Man, le film Venom, Ghost in the Shell, Blade, The Punisher, Hulk, bon, tant d'autres films... Il n'y a pas que du bon, hein. Il n'y a pas que du bon, et j'espère que Nintendo va bien garder la main mise sur le projet, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Je vous lis le petit message les curly. du dieu Shigeru Miyamoto, qui a dit, je cite, hein, « Ici Miyamoto, ça fait plusieurs années que je travaille sur le film en prise de vue réelle The Legend of Zelda avec Avi Arad-san, qui a produit de nombreux films à grand succès. » J'ai demandé à Avi-san de produire ce film avec moi et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec un Nintendo fortement impliqué dans la production. Il faudra du temps avant qu'il ne soit achevé, mais j'espère que vous serez impatient de le voir. Bah, moi, je suis impatient, je t'avoue, parce que Il est vrai que moi, mon film Zelda parfait, dans l'idée que je m'en fais, ça aurait été un film d'animation Zelda qui reprenait un peu le style graphique de Tears of the Kingdom et de Breath of the Wild. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Dans un style un peu Ghibli, ça aurait été magistral, mais bon, on va leur faire confiance. Rien ne peut être alors magistral. Tom Cruise, quand il a joué dans Legend, il y a très longtemps, c'est vrai qu'il y avait un petit côté Link, mais enfin maintenant Tom Cruise, il est... voilà, Tom Cruise, il a plus tellement l'âge. Voilà. C'est peut-être pour faire le vieux à la fin, c'est dangereux d'y aller seul, tiens, prends ça. Oui. Éventuellement, mais sinon... Non, au début, Tom Cruise, c'est du passé, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Alors voilà, le film Zelda, toi Axel, tu... Bon, t'es pas aussi fan de Zelda que moi déjà à la base? Non, moi Zelda, c'est pas vraiment ma source, voilà. Bon, j'essaie de paradoter. Donc, mais t'es curieux quand même de voir ce que ça va donner? Bah ouais, vite fait, mais je pense... en fait, je sais pas, faudra attendre de voir, c'est... Jusqu'à ce que ça me fasse dire, est-ce que je vais regarder en entier ou pas? Ah, je vous ai pas donné... Alors, je te coupe, Axel, excuse-moi, mais je vous ai pas donné le réalisateur. Ah film. Oui, tiens, d'ailleurs. Oula, c'est très, très important. Le daron fait des erreurs. Ce sera Wes Ball. Wes Ball. Je connais il pas, tiens. Wes Ball. Et voilà, et oui, et Wes oui. Ball, c'est un petit nouveau ou il a fait quelque chose, lui? Bah oui, parce que c'est lui qui a réalisé la trilogie, le Labyrinthe. Wes Ball, il joue au et football. Et son prochain film, c'est La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui est attendu pour 2024. Ouais, que des trucs qui me parlent pas, quoi. Non, ça te parle pas. Le labyrinthe, ça, c'était pas un truc qui t'avait intéressé, ça? Si, mais le roman. J'ai commencé à regarder le film et j'ai abandonné au bout de 10 minutes. Bon, vous nous direz sur les... Donc j'ai d'autant plus peur. Pour le coup, j'ai d'autant plus peur. Si Axel pouvait arrêter de chanter, c'est bien, ça veut dire que t'es heureux, puis c'est bientôt l'heure de manger, c'est peut-être Wes pour ça aussi. Ball, il joue qu'au football, et avec ses pinballs. Ah d'accord, oui, c'est très bien. C'est pas mal. Donc, Wes Ball, comment on pourrait l'appeler? Willy Ball en... Ouais, c'est ça. Willy Baluche. Le baluche. Willy Ballon. Moi, je suis très curieux, vous nous direz sur les réseaux sociaux ou sur le Patreon ce que vous en pensez, ou sur YouTube, en commentaire au Family Pack Lit, hein, qui contient la section news pour tous. Le film Mario a été, dans son style, une réussite, je trouve. Donc là, on partait sur de l'animation. Là, on est sur du live action, ça peut très vite devenir kitsch. Bah, j'espère que ça va pas ressembler à une copie du Seigneur des Anneaux avec un bonnet, quoi. Si c'est Seigneur des Anneaux avec un bonnet vert... Ce sera peut-être très sympa, mais bon, je ne sais pas. Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ce que je vous propose... Oui, parce que là, on a fait le tour, hein, techniquement. On a fait le tour, c'est qu'on passe au débat. Et notre débat, c'est est-ce que... Eh ben, il y a trop de remakes, est-ce qu'on en a marre des remakes? On va en parler pas plus tard. Les remakes, stop ou encore? Stop ou encore? Ça fait très émission de RTL. Ou alors, comme les chaînes infos, ce serait les remakes, deux petits points, le dégoût. Alors, non, ce sera beaucoup plus nuancé, vous le verrez. À tout de suite. Nous voici donc au débat du mois. Et pour celui-ci, on s'est à nouveau bien creusé les méninges, n'est-ce pas? Puisqu'on va parler des remakes. Alors, il est vrai que c'est une sorte de marronnier, hein, les remakes dans le jeu vidéo. On en parle très régulièrement, hein, c'est pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais la réflexion nous est venue suite au dernier Nintendo Direct, donc qu'on a traité, hein, dans l'émission précédente. Hein, si vous ne l'avez pas encore écouté, nous vous invitons à y aller très vite après celle-ci. Et il est vrai que, surtout du côté de chez Nintendo, donc du coup par rapport au Nintendo Direct, c'est vrai qu'on l'a un peu surnommé chez nous le Remake Direct. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de remakes. Alors là, il n'y a aucun jugement de valeur, en tout cas pour l'instant, là-dessus, hein, puisqu'il y a des jeux qu'on aime bien. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt partagé, voire même plutôt, on va dire, pigeon dans les remakes, parce que moi, quand c'était un jeu que j'adore, je peux le posséder en 36 versions. Mais même on va en reparler. Général, on est des pigeons, nous. Hein. Bah, pigeons passionnés, c'est vrai que la frontière est mince, peut-être. Juste rappeler, dans le dernier Nintendo Direct, les remakes qui ont été annoncés, les remakes réinterprétations. Alors, F-Zero 99, c'est pas vraiment un remake, parce que c'est... Non, c'est différent. C'est un dérivé. Là le concept est différent. Ils reprennent une grande saga pour oui, mais pour en faire autre chose. C'est pas vraiment un remake d'un jeu existant. Bah, c'est même pas un remake du tout. Bah ouais, c'est vrai que là ça peut non, prêter c'est à pas débat. Un remake. Mais en tous les cas, il y a eu donc un annoncé un remake moche du premier Contra. Oui, non, mais je l'ai toujours pas digéré, ça. Le remake. Tu vas aller aux toilettes? Du premier Mario vs Donkey Kong. Une compile des Tomb Raider, classique Tomb Raider. On a eu aussi alors ça c'est annoncé, on le savait déjà avant ce Nintendo Direct, mais il y a aussi un Super Mario RPG remake qui est attendu. Il y a un remake du deuxième Paper Mario, celui de la GameCube, la porte millénaire. Il y a Luigi Mansion 2 qui revient en HD. Alors là c'est pas vraiment un remake, ce sera plus un remaster. Voilà, En tout cas le 2 c'est une masterclass, hein, on dit. On en reparlera aussi peut-être, mais c'est vrai qu'entre remaster et remake parfois la frontière est ténue. Ça dépend, ça dépend pour certains, parce que effectivement là du côté de Sony, là on attend FF7 Rebirth. Là, c'est clairement pas un remaster. Là, c'est vraiment un bon gros remake à 1000%. Et là, dans l'eau, moi, il y a plein de jeux que j'attends. Il y a la collection MGS aussi qui sera dans. Alors là, on est plus dans du remaster. Là, ouais, voilà. Là, on est vraiment dans du remaster. Qu'est-ce que c'est en plus? C'est-à-dire que le remake, il y a une notion de refaire le jeu quand même. Il y a une notion de réinterprétation plus ou moins du jeu. Alors ça dépend. Mais quel jeu tu parles en fait? Je parle pas de remake. Non, il parlait d'MGS, la compilation Metal Gear. Ah, qui va arriver, voilà. Ouais, je savais pas quel jeu c'était. Et oui, parce que Metal Gear Solid, on dit MGS, MGS en fait. MGS, voilà. Plus court. Ah, bah oui. Donc déjà, pour poser les bases, rapidement, parce que c'est pas un débat sur qu'est-ce qu'un remake, qu'est-ce qu'un remaster. Donc le remaster, ça peut être un jeu, effectivement, qui est rehaussé, upscalé, par exemple en HD, avec quelques petites, quelques petits ajouts esthétiques, mais globalement c'est le même jeu qui, on va dire, qui est relissé. Là je dis ça à grands traits, hein. Le remake, il y a vraiment on repart du début, on refait le jeu vraiment complètement. Alors soit il est très très fidèle, soit il part sur une réinterprétation comme l'a fait excellemment bien FF7 Remake, comme le font aussi les remakes de Resident Evil 2, 3 et 4 par exemple, où là c'est carrément des relectures. Voilà, c'est pas juste le jeu de l'origine PlayStation 1 avec un lissage HD. Par exemple, Chrono Cross, le RPG de Squaresoft, là c'est un remaster. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont rehaussé un peu la beauté du truc, mais c'est vraiment le même jeu, c'est pas un remake, quoi. Voilà. Alors après, on peut continuer en débattre sur les réseaux sociaux ou sur le Patreon, sur le lapsus sur le Discord, oui, puisque voilà, c'est pour nos adhérents Patreon. Oui, alors le sommeil, c'est compliqué en ce moment, on va pas rentrer dans le débat non plus, je suis un peu fatigué. Le sommeil, ça a jamais été une excuse, hein. Donc c'était pour poser un petit peu le contexte. Est-ce que pour vous il y a trop de remakes, mais dans le sens où nul besoin de rappeler la nécessité d'un remake pour un éditeur, parce que effectivement, c'est une valeur sûre, ça a toujours existé, donc là, on va pas faire le procès des éditeurs qui font ça, parce que bon, on va dire, c'est même limite cliché comme débat maintenant, mais c'est nous, en tant que joueurs, en tout cas nous à la maison, est-ce que les remakes, c'est quelque chose où vous en avez vraiment plein le dos, ou vous êtes toujours heureux de revoir un jeu que vous avez aimé, ou que vous n'aviez pas pu découvrir à l'époque, et le voir sous son... si le remake est bien fait, sous son plus bel apparat. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. Du coup, moi, en tout cas, rapidement, pour lancer le débat, parce que je crois que maman, elle veut parler de Final Fantasy VII. Moi, qui est très fan de Final Fantasy, et de Final Fantasy VII, ouais, qui fait partie de mes épisodes préférés, moi, je trouve que ce que Square Enix a fait avec le remake, c'est assez magistral. J'attends Rebirth avec une très, très grande impatience, et pour moi, là, dans ces cas-là, le remake... alors, pour les plus anciens, on va aussi parler du... Je peux parler rapidement du remake de Resident Evil sur GameCube, mais là, pour parler des jeux plus récents, bah oui, dans ces cas-là, les remakes, mille fois oui. Alors, après, oui et non. C'est vrai que moi, j'ai une grosse tendance à découvrir le jeu vidéo maintenant, puisque moi, plus jeune, j'ai quasiment jamais joué. J'avais la Mega Drive 2 à la maison, mais vite fait, on avait 3-4 jeux qui se battaient en duel, donc c'était pas non plus... On peut pas dire que j'étais une grosse gameuse, ça a commencé plus avec la GameCube, et surtout, une fois que j'étais avec Bruno, où là, j'ai commencé à me lancer sur des jeux un peu plus... de façon un peu plus régulière. Et t'as une grosse tendance aussi à manquer de skills, ça je le dirais toujours aussi. Ça y est, ça recommence. Ouais, même dans les jeux les plus simples... T'es en manque de skill. Bref, c'est pas là que je voulais en venir. Du coup, je découvre maintenant certains jeux vidéo que je n'ai pas découvert dans ma jeunesse. Et il se trouve que moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai énormément de mal à me relancer sur des jeux graphiquement un peu datés. Donc pour moi, je serai jamais une rétro-gameuse parce que j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là. Notamment les jeux 3D. Ça fait très très très mal. Et en fait, bah pour moi, les remakes, c'est une bonne chose parce que ça me permet de me relancer sur des jeux que j'aurais sûrement jamais découvert autrement. En fait, typiquement, Final Fantasy VII, quand le remake est arrivé et que j'ai vu ce qu'était Final Fantasy VII Remake, je me suis dit, je veux pas attendre, je veux savoir ce qui se passe dans le vrai Final Fantasy VII et je veux le faire. Je suis donc tombée sur une version en ému, donc bon, j'ai passé outre l'aspect graphique parce que je savais à quoi je m'attendais et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai fini quand même par lâcher parce que bah déjà le jeu est extrêmement rigide et ensuite parce que au bout d'un moment, moi je suis tombée sur une version traduite de l'époque où on ne comprenait plus rien à l'histoire tellement les traductions étaient foutraques. Donc je me suis dit, si c'est pour que je comprenne rien, ça sert à rien du tout, autant que je reste sur le remake et puis bah tant pis pour l'histoire originale. Et j'ai remarqué que ça me le faisait énormément sur les jeux entre guillemets premiers du nom. Donc en fait, le fait qu'il y ait des remakes, bah même si c'est pas la même chose que les originaux, bah moi quelque part ça me permet de découvrir des grands classiques du jeu vidéo que je n'aurais certainement jamais découvert par ailleurs, techniquement. Resident Evil, t'avais essayé de me lancer sur le premier du nom, rappelle-toi. Le système de caméra et de déplacement, j'ai jamais pu m'y faire. J'ai jamais réussi. Les graphismes, voilà. Il a fallu qu'il me lance sur le remake sur GameCube pour que ça le fasse vraiment et que je le fasse en entier. Mais sinon, je l'aurais jamais fait, clairement. Donc voilà. Moi, pour moi, les remakes, pour eux, c'est plutôt une bonne chose parce que ça me permet de découvrir des trucs que j'avais jamais découvert. Alors maintenant. Oui, désolé. Non, c'est pas grave. Alors maintenant, le truc, c'est que. Il y a certains remakes, on peut se poser la question. Notamment celui sur The Last of Us. Qui était quand même encore relativement. Qui a fait polémique, beau, hein. Qui était quand même très, très, très récent. Y avait-il vraiment besoin de faire un remake, ça Alors Kirby, apparemment, elle n'est pas d'accord. Kirby n'est pas d'accord. Dans ta bouche, maître l'huissier, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel sens? On ne sait pas. Pourquoi t'es pas d'accord? Pourquoi tu rages? Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Elle, ce sera une future rageuse, hein, une future e-girl. En tout cas, toujours est-il que voilà, et on pouvait se poser la question de ce fameux remake. T'es trop loin de ton micro, Axel. Mais en tout cas, dans l'absolu, voilà. Ça me semble être une bonne chose. Après, là, c'est vrai que dans le Nintendo Direct, il y en avait quand même beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Je suis pas sûr. Là, certains, en fait, certains journalistes ont soulevé le fait que comme, voilà. On sait que du côté de chez Nintendo, ça s'active plus que jamais sur très certainement l'année prochaine l'annonce de celle qui va succéder à la Nintendo Switch, que là la plupart des gros projets de jeux 100% Nintendo, Super Mario Wonder étant l'un des derniers en date, les prochains visiblement sont prévus, s'acheminent sur celle qui va succéder à la Switch. Donc est-ce qu'ils essayent de remplir le catalogue avec beaucoup de remakes? C'est ça, en fait. Grosso modo, ils bouchent les trous, quoi. Mais le problème, c'est que cette tendance à faire du remake aussi a un autre effet un peu pervers, je trouve. C'est que, pour le coup, les éditeurs sont de plus en plus frileux à prendre des risques sur une nouvelle licence. Et je pense qu'on passe à côté de quelque chose, quand même, quelque part. Après, peut-être que tout ça communique. C'est que, justement, c'est en se basant sur des jeux... où tu sais que tu vas en vendre par pelleté, je parle de remake bien sûr, ça peut permettre aussi à côté de toujours prendre des risques pour faire de nouveaux jeux. Après, c'est pas forcément la philosophie de tous les éditeurs, bien sûr. Ça sera au cas par cas. Toi, Axel, qu'est-ce que t'en penses des remakes? Parce que c'est intéressant, parce que toi, ça peut te permettre aussi de découvrir des jeux auxquels que t'as pas connu à l'époque. Ou alors, Axel est très rétro, comme moi aussi. Mais... Oui, je suis la seule qui suis un peu réfractaire, oui, mais alors... en fait. Pour le coup. Je mets une petite précision là-dessus, c'est vrai que le rétro c'est quand même plus facile sur la période 2D, surtout 16 bits, où t'as beaucoup de classiques qui sont encore en pixel art, oui. Très très jouables, et même visuellement ça reste toujours très beau, et ça vieillit très bien, le pixel art. Et aussi, au niveau du gameplay, en tout cas, la période 16 bits, on est sur une période où le gameplay était déjà tellement modernisé que aujourd'hui, c'est encore tout à fait jouable, en tout cas pour... Donc Axel aime bien les vieux jeux 2D. Après, en 3D, ça dépend. Il y en a qui ont quand même bien vieilli. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, hein, effectivement. Oh non, il y en a, c'est la catastrophe. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Axel, des remakes? Est-ce que toi, en tant que... Comme t'aimes bien l'histoire du jeu vidéo, est-ce que tu trouves que ça a un intérêt quand même de garder hein, dans l'actualité des titres cultes ou autres? Bah, pour moi, les remakes, ça a totalement le mérite d'exister pour moi parce que je pense il y a certains jeux par le passé qui datent quand même... Bah oui, qui datent de fou, justement, qui nous ont marqué, qui ont marqué des tas de milliers de joueurs, et le fait de faire un remake, ça refait vivre ce jeu, la nostalgie ou quoi que ce soit, tout en remodifiant les trucs, en adaptant une autre histoire ou quoi que ce soit. Je trouve personnellement c'est incroyable. Après, le problème, c'est que faut que ce soit bien fait, parce que il y a certains remakes, bah ça peut, bah en fait ça foire complètement, genre par exemple, il va y avoir bientôt un remake de Mario RPG sur Super NES. Je l'ai trouvé mais dégueulasse, vraiment, je dis. Alors c'est marrant parce vraiment, que c'est, pourtant c'est un jeu culte pour beaucoup de monde, mais peut-être parce qu'il a très mal vieilli justement. Je l'ai trouvé dégueulasse pour moi. Mais voilà, après peut-être le remake, je ne sais pas, peut-être je vais aimer. En tout cas, sur Super NES, pour moi la catastrophe, hein. En tout cas, si jamais il y aura un jour où il y aura un remake de Mario World là. Ah mais là faut qu'il fasse gaffe parce que Mario World pour moi il est tellement parfait comme il est. Ah, mais donc du coup le remake ne justifie pas à chaque fois. Oui mais on en revient. Je suis tellement fan de Super Mario World que je l'achèterai direct. C'est sûr. En soi c'est la base. C'est sûr. Mais alors du coup Axel, toi qui dis que du coup ça permet de remettre les jeux sur le devant de la scène, donc, tu préférerais pas carrément un nouvel épisode d'une saga culte plutôt qu'un épisode que t'as déjà vu qui est remaké? Bah l'un n'empêche pas l'autre. En soi, les deux, ça revient au même, hein, qu'on se dise honnêtement. Bah non, ça revient pas au même. Parce que dans l'un, c'est une totale innovation. Dans l'autre, tu reprends du neuf pour faire du vieux, quoi. Tu reprends du vieux pour faire du neuf, pardon. Voilà. Non, enfin, les deux choses, c'est pas les mêmes. Mais le ressenti, c'est exactement le même pour moi. Je suis désolé. Bah, mais... sauf si t'as pas connu le jeu à l'époque, oui. Mais si tu l'as déjà connu, c'est pas la même chose. Ouais. Parce que là, tu pars sur une base que t'as déjà vue, quelque part. Pour moi, en vrai, il n'y a rien de mieux entre les deux, hein. Je suis désolé, mais... Le piège qu'il peut y avoir aussi, et c'est marrant parce que ça me l'avait, pourtant, depuis le temps que je joue à des remakes, il y a quelque chose qui s'est passé avec le remake de Resident Evil 4, qui m'était jamais arrivé avant. C'est que mon premier run, je me rendais compte que le remake était vraiment, était de très très haute volée, mais je jouais, malgré moi, hein, même en me forçant à pas le faire, je joue au jeu des comparaisons. C'est comme c'est un des jeux que j'ai le plus refait dans ma vie, l'Hero 4 original, je joue au jeu des comparaisons. Je me disais, alors qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Je prenais beaucoup de plaisir, bien évidemment, parce que vraiment le remake est vraiment de très très grande qualité. Mais lors de mon deuxième run, j'ai mille fois plus kiffé, en fait, Hero 4 Remake, parce que là, j'étais débarrassé du jeu des comparaisons. Et j'ai vraiment pris la teneur du côté... merveilleux de ce remake, parce que c'est vraiment un très très grand jeu. Pareil, hein, pas pour tout public, hein, on le précise à nouveau. Mais lors de mon deuxième run, là je me suis vraiment dit, ce qu'ils ont abattu c'est énorme, et en fait j'ai pris beaucoup plus de plaisir lors de mon deuxième run, parce que j'étais débarrassé de ce jeu, de me dire, là il se passe ça dans l'original sur GameCube, qu'est-ce qu'ils ont mis Là je savais à peu près ce qu'allait se passer, et j'ai pu profiter à 100% du gameplay, de l'ambiance... Bon, moi personnellement, les remakes, je trouve c'est un peu la base du truc, qu'on se le dise honnêtement. Et après faut encore qu'il soit bien fait, parce que si jamais un remake foire, ça va prêter au scandale partout, quoi que ce soit. D'autant plus qu'on connaît les réseaux sociaux et le monde d'aujourd'hui, hein. T'as fini? Non. Il y a tellement d'épisodes cultes dans les séries, il y a tellement de jeux iconiques que oui. tu te sens obligé de refaire un remake, parce qu'il a marqué des tas de personnes, voilà. Mais après, si c'est mal fait, ça a rapporté au scandale, hein, on connaît. Donc voilà, moi c'était mon avis sur les remakes, hein. Après, moi je pense pas comme tout le monde, du coup je sais pas si les gens auront le même avis que moi. Donc voilà. Il y a un remake récemment, c'est quoi le remake que t'as kiffé récemment? Il y en a pas. Ces dernières années. Oh si, il y en a sûrement, là, ça nous revient pas en tête, mais bah, moi, pour revenir sur ce que vous disiez, et l'un et l'autre, c'est vrai que il y a un autre effet, il y a un autre effet un peu préjudiciable à cette catégorie de remake. Toi, tu disais que t'as joué au jeu des comparaisons quand t'as refait Resident Evil 4. Moi, personnellement, sur le coup, en fait, j'ai fait un rejet. Parce que j'avais tellement aimé le Resident Evil 4 originel que j'ai fait un rejet sur la mise à jour de Léon, sur je sais pas, c'était pas le jeu auquel j'avais joué, c'était pas le jeu que j'avais aimé. Et j'ai eu beaucoup de mal à me dire bon allez, tu dépasses ça, tu t'y mets, et au final maintenant j'aime autant le remake à plus que mais... l'original. C'est marrant, hein. Il faut le reconnaître. Mais sur le coup, j'ai fait un rejet, et comme le disait Axel, ça peut arriver parfois que certains joueurs comme moi, qui, bon, suis un petit peu, des fois, un peu psychorigide, puissent arriver à se dire « Non, moi, le jeu original, c'était le jeu parfait. » Et en fait, de le boycotter alors qu'il n'y avait pas forcément de raison. Mais on connaît les réseaux sociaux, comme disait Axel, et c'est vrai que parfois, certains remakes sont un peu boycottés parce que pour les joueurs qui l'ont découvert à l'époque... Il fallait pas y toucher, en fait. C'était leur ressenti, c'était leur découverte, c'était leur jeu culte. Et un remake peut passer parfois comme une trahison. Et c'est vrai que ça peut aussi être un des problèmes. Il faut le reconnaître. Maintenant, les joueurs, parfois, comme moi, sont un peu bornés. Oui, je suis un peu bornée. Déjà, je le reconnais aisément. Sur Resident Evil 4, par exemple, j'avais fait un rejet. FF7, je savais pas à quoi m'en tenir puisque je n'avais jamais joué au jeu. Donc. J'y suis allé. C'est marrant parce que sur FF7, je l'avais en tête, le jeu des comparaisons, mais ça m'avait moins gêné parce que là, c'est tellement. Tellement c'est différent. Une grosse relecture, ouais, là, c'est vraiment tellement différent. Là, c'était plus du style, oh là, qu'est-ce que c'est incroyable de découvrir Midgar sous cet angle-là, etc. Parce que là, il y a vraiment. Différents points de vue. Oui, parce qu'entre le jeu original et le remake, il s'est passé beaucoup plus de temps qu'entre. Disons que RE4 à l'époque avait déjà lui, c'est le père du TPS moderne, donc du jeu à la troisième personne d'action moderne, et il est vrai que à part le fait de donner un petit peu plus de souplesse dans les déplacements, il était déjà quasiment parfait. Encore que, si je peux me permettre une petite critique, Léon reste lourd et lent. Quand on a fait le scénario avec Ada, on se rend compte à quel point le personnage peut être un peu tank. Avec le record, si je peux me permettre, t'es un peu illogique, maman, dans ce que t'as dit, parce que bon, j'ai deux trucs à dire. De un, tout à l'heure, quand t'as dit, ouais, machin, les remakes, non, faut pas toucher, faut toucher le jeu d'origine. C'est pas moi qui l'avais dit, c'était papa, déjà. Oui, j'ai dit que je rebondissais sur ce que vous deux vous aviez dit. T'as dit moi. Non. Et toi, je parlais du fait que tu disais sur les réseaux c'est pas sociaux grave, que les joueurs pouvaient très vite... Je te jure, t'avais dit que moi. Bref. Et de deux, c'est un peu illogique ce que t'as dit tout à l'heure, parce que, encore avant, t'avais dit, ouais, au moins j'aime pas trop les jeux qui ont vie. Enfin, t'avais dit quelque chose comme ça. Les jeux d'origine et tout, je peux pas vraiment les toucher. Donc moi, ce serait plus ces remakes. Et là, tu venais de dire l'inverse là au début. Pour Resident Evil 4, mais, ouais. Mais parce que Resident Evil 4 fait partie de ces jeux que j'ai découverts au départ. Ou peu de temps après la sortie. Peu de temps après la sortie. C'est quand même un petit peu illogique. Non, parce qu'en fait, comme le disait ton père, comme le disait Monsieur Papa, excuse-moi, mais il n'y a pas énormément de temps entre la sortie de RE4 et la sortie de RE4 Remake. C'est pas comme si, comme FF7 et FF7 Remake, tu vois. Il y a quand même beaucoup de temps aussi. Il y a eu pas mal mais de disons temps. Mais disons qu'ils sont pas de la même génération, parce que FF7, c'est le début de... En tout cas, c'est dans la première partie de l'ère PlayStation. Quand RE4 est sorti, le premier, on était déjà sur GameCube, donc on n'est pas du tout dans la même période. Voilà, tu vois, là, il y a un remake de Alone in the Dark qui va sortir. Ok, j'y vais direct, parce que le jeu original, j'ai jamais réussi. Il a pas l'air de beaucoup ressembler à l'original, surtout. Donc, voilà. Et c'est puis plus surtout, une relais. Le c'est jeu un reboot, original, non, j'ai jamais été foutu de le faire, parce que, excuse-moi, mais. Des triangles. Non mais Alone in the Dark, c'était une révolution à l'époque. C'est vrai que de le prendre maintenant, c'est très très dur. Encore plus dur que Resident Evil original. On est bien d'accord. Donc voilà le pourquoi du comment de la différence de la mais différence non, faut, entre les. Il faut aussi voir quelque chose, c'est que le remake, il a aussi cette vertu là, c'est que on est sur du jeu vidéo, on n'est pas sur du cinéma ou des bouquins où c'est beaucoup plus facile de se reprocurer une œuvre originale. Même un film des années 30. tu t'arriveras à te le procurer dans une collection, bon, sauf si c'est vraiment le truc hyper hyper élitiste. Oui, ou mais je te parle en tout cas les grands classiques, ceux qui ont animé, qui ont ponctué l'histoire du cinéma, tu vas les trouver. Un jeu vidéo, c'est compliqué parce que à part passer par une solution illégale, c'est-à-dire de l'émulation illégale, légalement, si t'as pas la machine d'origine, si t'as pas tout ça, s'il y a pas une compilation qui est sortie officielle par l'éditeur, etc., bah c'est compliqué. Donc, ou alors faut avoir un sacré budget parce qu'il y a certaines cartouches. Oui, voilà. Non, mais sans aller jusque là, des jeux qui étaient encore plus compliqués que ça, des jeux sur les premiers ordinateurs qui étaient sous forme de disquettes ou de cassettes. Va essayer de les. Bon, là, je voudrais aussi rebondir rapidement sur The Last of Us, et c'est là que. Mais là, j'assume totalement parfois le côté un peu pigeon. Moi, je préfère le terme fanboy, mais c'est que moi j'aime beaucoup The Last of Us. Effectivement, là, c'est tout à fait critiquable, et je peux comprendre ceux qui ont critiqué le remake du premier qui est arrivé peu de temps après un remaster déjà PS4 de l'original. Alors sur après, PS3. Après, c'était pas trop le remake en lui-même qu'ils ont critiqué, c'est plutôt le prix auquel ils l'ont vendu. Je suis d'accord. Le fait est que nous, il me semble que tu l'avais eu, t'as vu le code par Geeks by Girl. J'ai eu le test pour Geeks by Girl et moi, en l'occurrence, ça m'a permis de le découvrir parce que encore une fois, le premier, je ne l'avais pas. Et en l'occurrence, on n'est plus des pigeons, on est des pigeons rats. N'importe quoi. Et donc, je finis juste là-dessus. Et moi, qui suis un grand fan de The Last of Us, c'est vrai que le redécouvrir avec, si vraiment quand tu le mets, parce que là, techniquement, tu retrouves un peu la comment le. Des modèles 3D qui étaient proches donc de The Last of Us 2. Et oui, quand tu compares vraiment, quand tu mets côte à côte le remaster de The Last of Us 1 et le remake, tu vois vraiment la différence. Mais il est vrai que sur le temps, on va dire entre guillemets commercial, hein, c'est un gros mot, je sais bien, mais sur le temps d'exploitation plutôt, c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu rapidement. Il y avait eu le même débat pour. Il fallait surfer sur la série The aussi. Witcher 3 Wild Hunt aussi, hein. À l'époque, quand il est sorti, Non, le remake n'est pas sorti de The Witcher 3. C'est un remaster ? C'est un remaster qu'ils ont sorti, mais la mise à jour était gratuite pour ceux qui avaient le jeu. Ouais. Là, par contre, il y a un remake de Witcher 3 qui est en préparation. Là, par contre... Du 3 ou du 1 ? Non, excuse-moi, du 1. Du 1. Il y a un remake du 1 qui est en préparation, et The Witcher 3, c'était un remaster, c'est pardon. Un remaster. C'est... Mais il me semble... J'ai un peu de mal, parce que je ne l'avais pas fait non plus. Je l'ai fait aussi pour... J'ai peut-être une bêtise, mais il n'y a pas un remake du 3 qui est en préparation aussi. Oh, je dis peut-être une bêtise. Alors. Bon, on va éviter de se perdre, hein, parce qu'on va encore dire des fake news, et on... des fake news. Et on va se faire insulter sur les réseaux, on connaît. Hein. Mais non. Non, mais voilà, moi en clair, quand c'est un jeu que j'ai adoré, bah ouais, oui, j'avoue, j'aime bien. Moi, il y a des jeux que j'attends toujours en remake. Je parle souvent de Sky of Arcadia, de plein d'autres jeux. J'attends. Bah, tu connais pas ça. Tu connais pas un RPG de l'ère Dreamcast. Mon père m'en a parlé dès que je l'ai rencontré de Sky of Arcadia. Vous parlez russe pour moi, là. Mais et toi, est-ce qu'il y a un remake, par exemple, de jeux que t'as découvert en 16 bits et autres, et tu verrais. Moi, Sonic Mania qu'on adore tant, c'est à la fois un remake de Sonic 1. Et un nouveau Sonic, quelque part. On est entre le remake et la suite, en fait, c'est un peu... On est plus dans l'hommage, hein, là, sur ce coup-là. Ouais, mais n'empêche que... Mais on veut une suite, bordel. Ouais, c'est vrai. Donc moi, franchement, je peux comprendre que ça agace les gens, mais il y a deux trucs. C'est que, un, on n'est pas obligé de les acheter. Bah oui, voilà, déjà. Et de deux, excusez-moi... Et de deux, je ne pense pas que ça casse autant que ça. C'est mon avis personnel, hein, l'innovation, puisque de toute façon, moi je trouve qu'il y en a toujours dans le JV. Et si ça peut permettre de financer des jeux au concept totalement nouveau, bah très bien. Moi, je dis banco. Tu vois, par exemple, je ne doute pas que le grand succès totalement mérité des remakes de Resident Evil participe à financer grandement les nouveaux épisodes. Eh ben très bien. Alors tu vas me dire, c'est une série, c'est pas des nouvelles licences, mais c'est ça. Bon, c'est un peu le problème sur une licence totalement nouvelle. Je sais pas si là on est plus du côté des indés. Ouais, l'innovation elle est permanente, et c'est génial. Mais c'est vrai que sur les gros éditeurs, se lancer sur une nouvelle licence, ça devient de plus en plus compliqué. Bah oui, parce que ça coûte un pognon dingue et tu peux pas prendre... Oui, mais quelque part, c'est un peu dommageable. Bah là, récemment, il y a eu quoi ? Il y a eu du côté de chez Microsoft, il y a eu Starfield. Voilà. Starfield, Starfield. Et pas de polémique. Ah, j'ai rien dit. De toute façon, on n'y a pas joué. De toute façon, j'y ai pas joué, donc je risque pas de dire quoi que ce soit. Hein. Mais le jeu est assez fan, et tant mieux d'ailleurs, parce que voilà, c'est très bien. Mais il y a quand même toujours de grosses licences. Techniquement, Elden Ring, c'est une nouvelle licence. Hein. Même si ça se base sur les Souls, c'est quand même intégré oui, à la. Un Elden Ring que tu as. Ouais, je sais pas. Après, moi, j'ai peut-être une vision un peu plus bisounours des choses, mais ça, moi, ça me va. Les nouvelles licences qui cohabitent avec des remakes, moi, je trouve que ça, je trouve que l'équilibre est quand même plus ou moins, honnête. Après, je vais pas m'en plaindre. Encore une fois, moi, les remakes, ça me permet de découvrir des séries ou des épisodes que j'aurais jamais découvert autrement. Donc, personnellement, les remakes, pour moi, c'est tout bénef. Là-dessus, y a aucun souci. Là, il y en a pas mal qui arrivent. Bon, j'en ai un certain nombre en test et je vais me faire un plaisir de les tester. Non, mais du côté de chez Nintendo, je suis d'accord, là, c'est un petit mais peu là, trop. Mais là, par contre, c'est un petit peu trop. C'est vrai que Mario vs Donkey Kong, Paper Mario, la porte millénaire. Oui, ça... c'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon, d'un autre côté, ça refait vivre des jeux qui ont marqué les gens par le passé et puis ça fait revivre un peu les cultes de l'époque. Donc, d'un autre côté, c'est bien. Bah après, c'est vrai que faut savoir doser. Après, il faut, enfin, là où le problème est un peu plus embêtant, je dirais, c'est que souvent ça cohabite avec des remasters. Il y aurait que le remake encore à la rigueur, je dis pas. Mais souvent, il y a 15 000 remasters d'un même titre. Enfin, ceci dit, là, on parlait des jeux Nintendo. Pour Paper Mario, on est plus sur du remaster là, hein, techniquement. Hein. Le jeu est pas refait total. Il est juste plus, il est en HD quoi. Hein, c'est tout. Ils n'ont pas parlé d'un remake. Ah non, pour moi, on est plus dans le remaster là. Ouais, mais après, ils le disent pas. Il est pas. Enfin, visuellement, on dirait l'original qui tourne sur un émulateur Dolphin quoi. Hein, enfin, grosso merdo. Alors après, bien évidemment, je pense que il y aura une finition. Voilà, il y aura sûrement des petits trucs en plus tout ça. Mais c'est pas Mario vs Donkey Kong là pour le coup et là oui parce que c'est un jeu GBA à l'origine. Là techniquement tu vois que c'est un remake, tu vois que tout a été refait de A à Z. Ce qui est peut-être le cas pour Paper Mario, hein, je veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir un upscale visuel du jeu GameCube. Ce jeu GameCube était déjà très beau, hein. C'est juste qu'à l'époque on n'était pas en HD quoi. Voilà tout simplement. Mais c'est marrant de voir aussi dans la com des éditeurs comment bien souvent maintenant, avant c'était ils étaient beaucoup plus clairs sur le sujet, maintenant ils évitent de dire entre remaster et remake ce qu'est chaque jeu, c'est plutôt les joueurs qui quand ils y ont joué disent ah non c'est un remake, ah non c'est un remaster, dans leur com c'est plus indiqué clairement ça, c'est assez ou sauf quand c'est vraiment sauf quand vraiment ça coule de source. Tu vois, là, un FF7 Rebirth, le premier s'appelait remake. Celui-là, c'est vraiment un remake, quoi. Là, mais c'est... maintenant, ils l'affichent plus aussi vite qu'avant. Avant, tu savais pertinemment vers quoi tu allais. Ça dépend les projets. C'est un peu plus flou. Si c'est plus ou moins évident quand tu vois le jeu. Maintenant, voilà, moi, je vais pas blâmer ça parce que moi, je suis le premier quand. Moi, un de mes premiers chocs de remake. Même si à l'époque on n'utilisait pas encore ce mot, en tout cas dans la presse, il me semble pas. Moi, fan de Mario, quand ils ont annoncé à l'époque la compile Super Mario All-Star dans les magazines, donc Mario 1, Mario 2 USA, le Mario 2 japonais et Mario 3, donc qui sont des jeux NES, hein, Famicom à la base, donc 8 bits, totalement refaits avec de sublimes graphismes et une réorchestration, donc Super Nintendo. Mais j'ai été comme un fou. J'ai attendu cette compile, mais comme un dingue. Et en plus, sacré coup de bol, quand elle est sortie, c'était génial, quoi. C'était vraiment très bien fait. Et pour moi, c'était magique. C'était magique quand c'est sorti. Mais je me disais, mais je me pinçais. J'ai dit, mais c'est génial qu'on ait ça. Ça va être quelque chose de récurrent dans cette émission. Vous le savez, je suis un très grand fan de Mario. Et du coup, j'étais comme un fou. Et je me disais, mais alors à l'époque, on parlait même pas de remake, il me semble pas. On parlait de compilation. Voilà, deux jeux refaits. Mais c'est le souvenir que j'ai de remake, mon premier souvenir de remake, où vraiment je me suis dit, mais c'est génial. Et là, oui, dans ces cas-là, c'est... Là, il y a le remake de MGS3, de Metal Gear Solid 3, qui est pas daté encore, d'ailleurs. C'est 2024, non, 2024 mais voilà. Plus de précision, ouais. Bon, moi, j'en serais. Moi, je suis fan de Metal Gear Solid, j'en serais aussi. Et il y a des jeux comme ça. Axel me contredira pas. Moi, j'hâte aussi qu'un jour ils nous sortent un remake. Alors pas un portage, que des portages, il y en a beaucoup eu. Mais un vrai remake de Super Mario 64. Bah, mais il y en a déjà eu un sur DS. Ah non, c'était un remaster. Alors. Non, c'était un remake parce que t'avais des. T'avais beaucoup de choses nouvelles. Ouais, voilà. Mais visuellement, ça ressemblait à la version de 64 quand même. Voilà, c'est un peu un remake remaster, mais. On est d'accord. Vraiment, un pur remake de Mario 64, ce serait incroyable en vrai. Voilà, je te parle vraiment avec des graphismes à la Mario Odyssey, quoi, tu vois. Avec, pourquoi pas des tableaux en plus, tu vois, des. Plein de. En fait, faudrait remaker la version DS, en fait. Puis, de toute façon, je vais dire une bonne chose pour conclure un truc sur Mario. Le premier Mario, Mario World et Mario 64, les trois meilleurs Mario qui ont jamais existé. Contrairement à vous, j'ai pas du tout hâte qu'ils touchent à mes séries de cœur. Moi, il m'annonce demain un remake de Devil May Cry, je vais hurler au scandale. Oui, mais c'est parce que peut-être qu'il est. Alors, c'est toujours pareil, je dis ça, mais ça se trouve. Par contre, il m'annonce un Devil May Cry 6, mais je signe direct. Ah mais là, tu dors même plus la nuit, t'as monté excité. Mais pour moi, Devil May Cry 1 a tellement la classe et tellement déjà extraordinaire que ne serait-ce qu'un... Si, avec un mode 60 FPS, 1080p, un upscale... Ce sera un remaster, voilà. Un remaster. Quoi qu'il y a déjà eu en HD Collection... La seule fois où ils ont essayé de rebooter la série, ça a donné DMC, excuse-moi, mais ça n'avait... Mais qui n'était pas un mauvais jeu en soi. Hein. Non, mais il fallait pas que ça s'appelle Devil May Cry, je suis désolé. Mais ouais, non, mais c'est sûr que... Après, moi, je suis sûr que j'arriverai à trouver un jeu que t'aimes bien, même si t'as découvert... Enfin, le fait que tu sois devenu gameuse, c'est récent, en tout cas, par rapport à moi. T'es devenu une vraie girl, maintenant. Je suis sûr qu'il y a quand même un jeu qu'on pourrait trouver, où je te dirais, tiens, une fois un remake de celui-là, tu dirais, ah, ouais. Même le premier Kingdom Hearts, il le ferait sous Unreal Engine 5 et tout non. ça. Non. D'accord, il faudrait que je cherche. Je suis sûr que je trouverai. T'es un peu dans la vue, maman, on va pas se mytho. Non, moi, le premier Kingdom Hearts, moi, je le refais toujours avec grand plaisir. Alors, sauf les phases de saut, évidemment, ça c'est encore. Il a été remasterisé. Il a été remasterisé. Mais ça lui va très bien. Et ça me va extrêmement bien. Tu me proposes un remake de Kingdom Hearts ? Non. Tu me proposes un remake de Devil May Cry ? Non. Tu me proposes un remake de Layton ? Non. T'es encore plus particulière clairement, que moi. Clairement, non. Voilà. Et c'est terrible, mais. C'est des jeux que j'ai découverts comme ça et j'aime encore y jouer comme ils sont. Donc je vois pas l'intérêt. Mais tu les joues d'une autre manière, mais tu peux découvrir de nouvelles façons d'y jouer. Genre c'est un peu comme moi avec la musique. En fait pour moi le remake, je kiffe les remakes de jeux que je n'ai encore jamais joué. Et comme ça permet de parfaire parce ta que culture. Ça me permet de parfaire ma culture tout en n'ayant pas le gros décalage en fait de la technologie de l'époque en fait clairement du graphisme de la jouabilité puis l'accessibilité de l'accessibilité ça me permet de pallier à tous ces défauts là et de découvrir des jeux nouveaux pour moi et du coup de dire bah oui j'ai joué à bah pour le coup j'ai joué à Resident Evil j'ai joué à voilà là bientôt Alone in the Dark oui mais sur des jeux que j'ai découverts tels qu'ils étaient et que je refais encore régulièrement mais attention, je me trompe peut-être, mais pour Alone in the Dark, je crois que c'est vraiment une réinterprétation totale parce que moi je rêverais de voir. Mais ça me va très bien. Non, mais moi le jeu original, j'aimerais le revoir vraiment refait comme ils ont fait pour Resident Evil, mais là j'ai l'impression que c'est même pas les mêmes décors, c'est pas le même environnement, je sais pas. Alors je me suis peut-être pas trop penché sur le sujet, mais oui, Axel, tu voulais dire quelque chose. Mais moi en vrai, je suis désolé, c'est quand même horrible d'entendre ça, j'abuse. C'est quand même chaud d'entendre ça parce que. D'entendre quoi ? Voilà, peut-être que tu me fais par contre. Mais pourquoi ? Je sais pas, tu me fais d'être bizarre. Maman fait ses gros yeux. Ah, tu m'as regardé là, bref. Genre, tu seras privé de dessert, mon gars. Mon gars. Du coup, pour dire, c'est quand même chaud d'entendre ça parce que. Pour moi, personnellement, c'est un peu comme moi avec. Pour moi, avec la musique, je donne un exemple. Parle bien, non ? Je l'écoutais que d'une seule façon, particulière. Mais j'aurais pu avoir la musique, elle peut être en slow reverb, en speed up ou quoi que ce soit. Alors moi je kiffe, pour les jeux c'est la même chose. C'est pas des remakes, ça n'a rien à voir ça. C'est un exemple, métaphore. Bref. Et après le jeu, du coup, vu qu'il y a un remake, tu le découvres sous une autre façon. Parce que au moins, tu le découvres sous une autre façon. Genre tu vas tout en kiffer, tu le découvres d'une autre façon, c'est pour ça. C'est un peu comme avec la nourriture, faut savoir, faut varier ses goûts un peu. Tu t'es perdu en route là, non ? Je je sais que je me suis mal exprimé, mais voilà, vous avez compris. Je sais que ma façon de penser est un peu bornée, et voilà. Mais moi, ma façon de penser. En ce qui me concerne, c'est vrai que là, à l'heure actuelle, tu me proposes un remake d'un jeu que j'ai adoré et que j'ai fait quand il est sorti, ou même un petit peu plus tard. Bah non. Mais ça, c'est peut-être lié à ta découverte qui est plus récente, par exemple, que quelqu'un qui joue. Comme moi depuis les années 80, tu vois, c'est peut-être ça aussi. Pareil, hein. Bah alors si tu veux parler des années 80, enfin plutôt 90 en ce qui me concerne, parce que bon, sinon j'avais pas l'âge, mais les trois jeux auxquels on jouait le plus souvent dans ma famille avec mon père et ma sœur, c'était Street of Rage. Ah oh non, pour moi il est très bien comme ça, Street of Rage. C'était Golden Axe. Ah, Golden Axe. Et c'était The Revenge of Shinobi, même si j'ai jamais été très loin. Il y a eu des remakes de Golden Axe, hein. Ils sont nuls, mais il y en a eu. Mais j'ai jamais été attiré. Golden Axe. Par aucun d'eux. Par contre, je relance régulièrement Golden Axe pour mon plaisir à moi, mais la version originale, la version Mega Drive que j'ai connue à l'époque. Moi, Golden Axe, je trouve ça, c'est moyen. Je kiffe moyen. Quand t'as pas connu à l'époque, je trouve que, et même quand t'as connu à l'époque, tout court, Street of Rage, c'est comme le gameplay est quand même vachement plus agréable. En même temps, Golden Axe est plus vieux que Street of Rage. Hein. Ouais, Golden Axe, voilà. Ouais, Golden Axe, c'est un jeu d'arcade à la base. En fait, j'avais une compilation de ces trois jeux-là, en fait. Oui, c'est la version Mega Drive de Golden Axe, c'est très célèbre. C'était une compilation Mega Drive de trois jeux. C'était Street of Rage, c'était Golden Axe et c'était The Revenge of Shinobi. Voilà, c'était ces trois jeux-là. Bon, du coup, pour conclure, je pense qu'on est tous, on n'a rien contre les remakes. Absolument rien. Maintenant, l'objectif, peut-être dans un futur numéro de Family Pack, on en reparlera, mais ce serait que Madame Maman découvre un remake qui lui plaise d'un jeu qu'elle a connu, ça risque d'arriver, hein. Mais faudrait que ce soit un remake de ma boule où tu dises ah ouais quand même là. Bah techniquement ça c'est déjà arrivé avec RE4 finalement parce que tu as dit que finalement maintenant tu préfères la nouvelle version. Oui non mais on est bien d'accord sauf que RE4 même si j'avais adoré le jeu c'est pas une de mes séries cultes Resident Evil parce qu'au final à part le 4 et le 8. Le 7, j'ai jamais voulu y jouer parce que là, c'est bon, je vais insulter tout le monde. Non, mais c'est pas obligé que ce soit. Je vais mourir de peur. Donc C'est pas obligé que ce soit une série. Tu peux être fan. RE4, t'es très fan. Ah, je suis très fan de RE4. Tu peux être fan d'RE4 sans être fan de toute la série comme moi. Mais bon, Resident Evil, oui, si, le premier aussi, le remake du premier, j'avais beaucoup aimé. Mais oui, mais mais j'avais jamais joué au premier. Oui, à l'époque, t'avais pas joué au premier original. J'attends de voir Silent Hill 2. Alors ça, c'est parce que j'ai fait le. Alors je l'ai fait il y a pas longtemps. Hein, mais j'ai fait le premier Silent Hill 2 original. PlayStation 2, oui. J'ai très très peur du remake. Mais là, clairement, dans les jeux d'horreur, c'est clairement parce que, en fait, je les regarde avec 30 ans de retard, comme ça au moins. C'est comme pour les films, en fait. Les films d'horreur, je les regarde avec 30 ans de décalage, comme ça au moins. Vu que les graphismes, enfin, les effets spéciaux sont un peu datés, j'ai moins peur. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Là, j'ai très très peur du remake. Mais bon, va bien falloir que je m'y lance aussi, hein, puisque. Et toi, Axel, du coup. C'est moi qui ai le test. Toi, les remakes, t'as rien contre. Est-ce qu'il y a un remake d'un jeu que... Bah non, moi, je t'avais proposé l'idée de Mario 64. Est-ce qu'il y a... En te mettant bien devant ton micro, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un remake d'un jeu que t'aimerais voir arriver un jour, hein, vu que toi, t'as beaucoup joué aussi à des vieux jeux. Non, tu t'en vois pas en particulier. Non, là, maintenant, je vois pas. Je sais pas. Moi, là, il y en a plein que j'attendais qui sont arrivés, dont RE4, FF7... Moi, c'est vrai que je parle souvent de Skies of Arcadia, voilà, qui est un RPG, un JRPG Dreamcast. Il y a une adaptation GameCube aussi qui est chère à mon cœur et que j'aimerais voir arriver sous une nouvelle robe et puis aussi avec plein d'améliorations de confort, tout ça, ce serait super chouette. Enfin, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux ou sur le Discord pour ceux qui sont contributeurs de notre saint Patreon. Ce que vous pensez des remakes, s'il y en a que vous attendez, est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu aussi, ça peut être intéressant. Ça peut arriver. S'il y en a eu, hein, des remakes ratés aussi. Oh, que oui. Voilà, il y en a eu aussi. Oh. Vous nous direz tout ça, et puis bah nous, on va continuer cette joyeuse émission, pas plus tard que maintenant. Eh ben, que du lourd encore, hein. C'est vrai que cette année 2023 est vraiment un plus qu'un grand cru, hein, puisqu'il se passe pas un mois sans que... Sans qu'il y ait un grand jeu, ça devient très compliqué pour le budget, je vous avoue. Enfin, encore que nous, on a de la chance. Bah là, le portefeuille, il brûle. Hein. Alors, avant toute chose, vous l'aurez vu sûrement dans les titres, mais effectivement, il n'y a pas Sonic Superstars qui sera chroniqué pour cette émission, pour deux raisons. Par manque de temps, et puis par manque d'argent aussi, parce qu'on a réussi à se procurer, alors, grâce... à notre partenaire Geeks by Girl qu'on remercie oui, Lucie, Haro, tout le monde et puis on remercie Nintendo Sony également c'est vrai et puis manque de temps aussi donc du coup Sonic et nous on veut vraiment vous parler des jeux quand on les a fait, quand au moins l'un de nous trois l'a fini et là du coup bah Sonic on n'a pas trop eu le temps donc Sonic Superstars vous inquiétez pas on aime beaucoup Sonic à la maison également et on va faire en sorte d'en parler durant la prochaine émission. Voilà. Là c'est vrai qu'on a déjà quand même du lourd avec ne serait-ce que les deux jeux parce que bon on a eu pas mal de choses à traiter, on a eu la Paris Games Week, il a fallu préparer, on a eu beaucoup de boulot avec Bruno ces derniers temps. Disons qu'on n'est pas des machines quoi. Voilà, donc du coup on a préféré là ce mois-ci vous parler de deux jeux, mais pour le coup familiaux, donc c'est cool parce que ça peut parler à tout le monde. Et on va peut-être commencer par le premier, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi c'est, vous le savez, je vous en ai parlé lors de la dernière émission, et ceux qui me suivent depuis longtemps, que je salue et que je remercie encore... Je suis un grand fan de Mario depuis toujours et j'attendais énormément ce Super Mario Wonder qui, dont les premiers échos faisaient état vraiment d'un Mario d'une excellente facture. Et après l'avoir terminé quasiment à 100%, il me manque que quelques pièces violettes, mais j'ai terminé tous les stages, j'ai eu toutes les graines, toute la map spéciale. Enfin voilà, on va dire j'ai quasiment tout fait. C'est un Mario moi que j'ai adoré. On rappelle que c'est un Mario en 2D, que c'est le successeur spirituel des New Super Mario Bros. Et le thème du premier stage, le thème principal, vraiment est un gros clin d'œil en fait à cette filiation. Sauf que cette fois-ci, effectivement, les concepteurs se sont lâchés et les New Super Mario qui étaient déjà excellents. Vraiment excellent. Là, c'est New Super Mario avec une graine de folie, voilà, c'est le cas de le dire. En tout du moins, un grain de folie supplémentaire. Mais c'est un grain ou une graine, alors ? Bah, c'est les deux, on va dire, parce que vraiment, c'est un bonheur d'un bout à l'autre. Donc moi, je l'ai poncé avec délice. Axel a juste commencé, je crois. T'as fait un monde ou deux, si je ne dis pas de bêtises. Deux mondes. Et donc, Madame Maman, tu l'as terminé aussi, puisque tu l'as testé pour Geeks by Girl. Alors, moi, j'ai pas fait le monde spécial. Hein. Je me suis arrêté avant, parce que là, clairement, c'était pas de mon niveau. Parce que tu n'as aucun skill, c'est tout. Ça devient redondant. Oui, je trouve. Enfin, bref. Toujours est-il que, voilà, je l'ai fini une première fois. J'ai pas toutes les graines, hein, clairement. Mais j'ai pas toutes les pièces non plus. Mais je compte bien continuer et j'espère bien avoir arrivé à récupérer tout ça rapidement. Y'a qu'à prier. Déjà, ce qui frappe quand on joue à Super Mario Wonder, c'est sa direction artistique qui est absolument sublimissime et vraiment un gap assez énorme. Les anciens New Super Mario étaient très jolis. Oui, ils étaient très beaux. D'aucuns diront un peu scolaire au niveau de la direction artistique, mais très jolis. Là, vraiment, on a une patte assez... enfin très impressionnante, très organique. On est entre le tableau, l'illustration, enfin c'est et le dessin animé, enfin c'est vraiment très très très très très joli. Après ça reste du Mario, donc ça reste très coloré, ça reste très kawaii, très très mignon. Ah bah oui, on est chez Mario. On est chez Mario. Voilà. Mais c'est la direction artistique qu'on aime retrowaver. Quoi que dans les châteaux de Bowser, kawaii, c'est quand même toujours très métallique, très lave, feu, mais ça reste très effectivement. C'est très cartoonesque, rond, hein. Quoi. C'est très rond, très cartoonesque. Voilà. C'est du Mario, quoi. Exactement. Il y a deux, en fait, en termes de gameplay. Alors, le level design, c'est-à-dire comment les niveaux sont agencés, c'est toujours du grand art. Là, vraiment, les New Super Mario étaient très très bons là-dessus aussi. Ils respectaient la tradition. Là, on retrouve vraiment un level design vraiment au cordeau, aux petits oignons. C'est surtout que là, à chaque stage, vous allez avoir donc une fleur prodige, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Qui va opérer un twist sur le niveau et qui va complètement changer la situation. et vous faire jouer le niveau différemment, parfois sous la forme de Mario, parfois sous la forme d'une transformation, et on spoilera pas, hein, même pour ceux qui regardent la version vidéo. Je mettrai vraiment que les séquences de jeu les plus connues qu'on a vues dans les trailers, dans les pubs. Je mettrai pas de gros spoils, mais oui, il se passe vraiment des situations assez dingos. Et là, on se sent qu'ils se sont lâchés. On sait que Nintendo a beaucoup communiqué dessus. Alors, quelle est la place du marketing là-dedans? Mais effectivement, les équipes qui ont travaillé dessus, apparemment, avaient carte blanche et surtout pas de deadline. C'est-à-dire, ils pouvaient le terminer quand ils le voulaient. Donc, ils n'ont pas eu trop de pression là-dessus. Alors, par contre, il y a juste une petite précision pour les twists des fleurs prodiges. Malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de niveaux dans le jeu, oui, il faut quand même savoir que chaque fleur prodige amène quelque chose de totalement différent. Et ça, c'est quand même assez énorme. Alors, parfois, ça se répète sur 2-3 situations, mais... J'ai pas ressenti ça, moi. Si, tu retrouves parfois la même transformation ou le même gimmick, mais très peu de fois, déjà, et sur l'ensemble, parce qu'il y a énormément de stages, c'est-à-dire qu'il y a, de mémoire, il y a 6 mondes plus le spécial, ouais. Voilà. Et sachant qu'il doit y avoir au moins une dizaine de stages par mois. Ouais, si c'est pas plus, hein, pour certains. Donc, c'est-à-dire que vraiment, voilà. On va dire qu'à 99%, c'est quand même des situations renouvelées, et vous avez aussi, ce qui est sympa, c'est que, donc c'est des maps, à chaque fois, vous baladez un petit peu librement, comme dans l'excellentissime Super Mario 3D World, qui lui aussi avait un, je trouve, un grain de folie. C'est pas Axel qui démentirait cela. C'est un de nos préférés aussi. On se balade un petit peu sur la map et au-delà des stages, on va dire d'une durée, on va dire moyenne classique, on a plein des petites épreuves un peu spéciales, bah comme Super Mario 3D World aussi, qu'on peut picorer à droite à gauche, des niveaux à énigmes, des niveaux à épreuves, des niveaux des petites choses qui se terminent beaucoup plus rapidement. Et on peut snacker comme ça entre des niveaux un peu plus longs, des niveaux plus courts, et je trouve que c'est très très agréable. Oui, parce qu'il faut, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a un petit côté RPG, parce qu'en fait, vous avez des niveaux qui sont obligatoires, puisque du coup, ça vous permet de faire certains chemins. Mais vous arrivez toujours au niveau des maps dans une zone qui est plus grande, et dans laquelle vous pouvez vous balader un peu librement. Et donc, en fait, tous les niveaux n'y sont pas obligatoires, et vous avez aussi un système de badges. Et chaque badge, en fait, vous avez toujours des niveaux qui vous permettent soit d'avoir des défis badge, donc de mieux maîtriser votre badge, soit de savoir comment il marche. Donc, c'est les initiations badge, je crois. Oui, c'est ça, oui. En soi, en full honnêteté, je pense que Marmontor n'a absolument aucun truc de côté RPG, parce que déjà, se balader librement où veut sur la map. Je suis d'accord, je vois pas où il y a le côté RPG pour le coup. Il y avait déjà ça dans Mario 3D World, qu'on disait terme. Et si Marmontor... On disait terme. Et si Mario Wonder était vraiment un RPG, et bah, il y aurait eu plusieurs caractéristiques, enfin, plusieurs options. Pendant le niveau, tu peux buter les ennemis, genre, une option de magie, d'attaque ou quoi que ce soit. Mais même pas ça, il n'y a pas de gain de points d'expérience, donc je vois pas où tu vois le côté RPG. Y a aucun bah, je sais pas, RPG. Il y a une boutique, il y a. Ah, mais ça, il n'y a pas que dans les RPG que t'as ça. Bah non. Oui, tu sais, dans les vieux jeux d'arcade des années 90, t'avais des boutiques aussi, entre deux niveaux. Justement là, donc tu parlais des badges, c'est ce que j'allais dire, c'est le deuxième point, enfin, parce que vraiment là, les deux piliers, on va dire, pour moi, de l'expérience, c'est donc ces fleurs prodiges qui font un twist dans le niveau, et ça, on vous y dira pas beaucoup plus, parce que ça joue vraiment sur l'effet de surprise, et vaut mieux le découvrir par soi-même. Et donc, ce système de badges, on récolte des badges au fur et à mesure du jeu, certains sont obligatoires et d'autres pas du tout, voilà, il y en a qu'il faut vraiment aller chercher. Sur la map, donc il y a un petit côté, je pense que tu voulais dire, un petit côté recherche en fait, un petit côté un petit peu aventure, exploration. Exploration. Et les badges, en fait, au début, moi j'ai trouvé ça un peu déconcertant, parce que ça vous donne donc certains pouvoirs à Mario spécifiques, ça peut être un saut plus grand, ça peut être utiliser Nyan comme un grappin, mais on peut en équiper que un en fait à chaque fois. Mais je me suis pris au jeu et j'ai trouvé ça vraiment très sympa, même s'il faut être honnête, sur la somme de tous les badges, moi j'ai quasiment utilisé 9 fois sur 10 qu'un seul, qui moi m'allait bien, c'est celui où tu planes avec le chapeau qu'on voit dans toutes les pubs. Mais j'ai trouvé ça très intéressant malgré tout. Je sais pas, toi t'as apprécié ce système de badge Alors moi j'ai un seul problème avec ce système de badge, c'est qu'en l'occurrence on peut en équiper qu'un seul. Et il y a certaines situations où quand vous êtes un peu faible comme moi au niveau de technique, il y a certaines situations où le fait de pouvoir équiper ne serait-ce que 2 ou 3 badges maximum, ça pourrait vous sortir de bien des galères. Alors après, certes, On a accès à Carotin ou à Yoshi qui, eux, ne perdent absolument pas de... ne meurent pas quand ils sont touchés par les ennemis. Donc, ça permet de simplifier le niveau. Mais pour ce qui est de tout ce qui est saut ou autre, quand vous êtes un peu comme moi, un peu limite et vous avez un peu de mal à juger les sauts et autres trucs comme ça, c'est vrai que pouvoir équiper un ou deux badges en plus, ça peut parfois sortir de galère. Bon, vous me direz, ça m'a aussi un petit peu poussé à améliorer un peu ma façon de jouer. Donc, oui, et puis il y a des badges qui sont incompatibles, je pense. Quelque part, c'est pas plus mal, mais j'aurais aimé pouvoir en équiper un ou deux de plus. Mais sincèrement, il y en a qui sont incompatibles quand tu regardes. Parce que ne serait-ce que ceux qui sont basés sur le saut, si t'en équipes deux, ça va être vite être le bordel. Je pense que c'est pour ça que, ou alors, même de plusieurs types. Ou alors il aurait fallu faire des familles de badges. C'est effectivement, ça aurait pu être sympa. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Donc ça, c'est un petit peu déconcertant au début. Comme toi, je me suis dit, oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu équiper ces deux-là. Est-ce que ça aurait pas trop rendu le jeu trop facile? Alors ça, c'est une des critiques qu'on a beaucoup lues. Moi, j'ai beaucoup vu sur le net, c'est que le jeu n'a pas vraiment de challenge. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, pour le coup. Oui, ça, tu fais bien d'en parler parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais moi, c'est un truc. Alors moi, je suis fan de Mario depuis quasiment ses débuts. Mon épisode de chevet, c'est Super Mario World. La philosophie de Shigeru Miyamoto et de ses équipes, de Monsieur Tezuka d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur quasiment tous les épisodes, y compris Wonder. Et ça, je me rappelle une interview de l'époque de la communication autour de Super Mario World sur Super Nintendo. Sa philosophie, c'est que tout le monde doit pouvoir jouer à Mario. C'est-à-dire que tout le monde, même quelqu'un qui est pas très doué ou un enfant, peut profiter du jeu et même aller jusqu'à la fin. Par contre, les core gamers et ceux qui vraiment veulent pousser le jeu plus loin, ils ont plein de niveaux spéciaux qu'on peut totalement occulter juste en faisant le chemin normal. On peut occulter plein de niveaux et faire juste la fin et on est content. Mais ceux qui veulent tout débloquer, il y a plein d'épreuves qui sont beaucoup plus costauds. Et là, c'était le cas c'est le cas de tous les Mario jusqu'ici. Et Super Mario Wonder ne déroge pas la règle puisque on a la carte spéciale. Alors effectivement, c'est que la carte spéciale, mais d'ailleurs le nom fait référence à chaque fois effectivement à la map spéciale de Super Mario World. Mais les niveaux sont un peu plus durs. À l'intérieur même des niveaux classiques, et ça j'ai trouvé ça original, dès le début on a accès à des niveaux très très durs parce qu'ils sont notés par étoiles au niveau de difficulté. Alors bien évidemment, quelqu'un qui a énormément de skills, c'est sûr qu'il va pas se retrouver devant un Dark Souls, c'est évident. Mais je trouve qu'il y a vraiment la bonne mesure. Peut-être, si on peut pousser un peu plus loin, c'est vrai que comme Super Mario World, s'il y aurait eu deux maps cachées spéciales avec peut-être deux fois plus de niveaux très durs, moi ça m'aurait pas déplu effectivement, mais je n'ai ressenti aucune frustration, surtout que le gameplay, le maniement de Mario, comme d'hab, c'est un vrai bonheur. Le plaisir de jeu est tellement intense, c'est tellement du concentré, de bonne humeur, et Dieu sait qu'en ce moment on en a besoin vu l'état du monde. C'est vraiment vraiment, je pense que c'est une critique qui revient chaque fois, et peu de gens ont compris que les Mario, il y a un double niveau de lecture. On peut tout à fait le finir en mode détente et voilà, sans vouloir pousser plus, mais celui qui veut tout débloquer, là il y a du challenge. Les pièces violettes, donc si on veut pousser le jeu vraiment au maximum, il y a quand même du challenge, voilà. Et il y a toujours ce double niveau de lecture, je trouve, qu'il y a dans les Mario, et moi je trouve que c'est parfaitement équilibré. Comme tu le disais, donc il y a Yoshi et Carotin, pour ceux qui, même si eux du coup ne peuvent pas avoir les transformations. Et Il y a juste un petit problème, moi, qui me frustre énormément avec Yoshi et Carotin, c'est que ça m'est arrivé sur certains stages de les prendre. Par contre, comme ils n'ont pas accès aux transformations, justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément avoir accès aux pièces ou aux fleurs prodiges. Et ça, moi, quelque part, ça m'a un peu frustrée, parce que sur des niveaux très très durs, pour moi du moins, où je pouvais un peu plus être sûre de le finir avec Carotin ou avec Yoshi, je me retrouvais quand même à devoir galérer à le refaire avec Peach, Mario ou quelqu'un qui, voilà, un peu moins facile, parce que je pouvais pas tout récupérer si j'avais pas un personnage lambda. Et ça m'a un petit peu frustrée, j'avoue. Et pour les enfants, je pense que ça peut être un peu... Alors, à moins de jouer en multijoueur, mais le problème du multijoueur, c'est que ça devient très vite le bordel. Ça l'a toujours été. Le bordel, pardon. C'est ouais, c'est on y en a partout, ça va très vite. Si vous avez pas le même niveau que vos partenaires, voilà, clairement vous êtes le boulet et vous êtes jamais dans l'écran, hein, clairement. C'est comme toi en gros, t'es ce type de personne. Comme moi exactement, donc non, le multijoueur c'est pas top. Voilà, moi je trouvais ça un petit peu dommage maintenant. Moi je trouve que c'est alors Axel, c'est vrai que bon, t'es assez fort à Super Mario, donc c'est peut-être pas tu as peut-être pas enfin j'ai peut-être pas te demander si tu l'as trouvé trop facile ou pas. Déjà t'as fait que deux mondes. T'as pas posé trop de difficultés. Non, mais du coup, t'en penses quoi pour l'instant? Bah, franchement, ça a l'air un Super Mario. Bah, c'est un Mario, c'est jamais en manque de contenu. Peu importe le niveau auquel tu vas jouer, t'es jamais déçu. Il y a toujours un truc qui t'attend. Donc, ouais, c'est un Mario où t'es jamais en manque. Il y a plein de surprises en permanence, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Oui. Y a jamais un truc où tu sens, oula, c'est le vide. Oui, ça se renouvelle tout le temps. Et, Je pense que ça peut être aussi une porte ouverte, le fait de qu'il n'y ait pas les transformations pour Carotin et Yoshi. Ça peut être intéressant dans le sens où quelqu'un peut traverser les niveaux comme ça et déjà plus s'approprier les niveaux, connaître un peu mieux les pièges à l'avance et pourquoi pas après essayer avec les transformations. Parce qu'il y a la fameuse transformation quand même, faut qu'on en parle. Parmi les nouvelles transformations, il y a quand même celle de l'éléphant qui est vraiment absolument géniale, que ce soit sur le plan du look. Que sur le plan du gameplay, c'est très très amusant à jouer. On a aussi Mario Foreuse. Alors c'est pas totalement inédit parce que Mario Foreuse, on l'a également dans d'autres opus, notamment Galaxy. Mais là, utilisé comme ça en 2D, c'est vrai que c'est vraiment très très sympa. Et on a le Mario Bulle. Ah, j'adore Mario Bulle. Donc on enferme les ennemis dans des bulles, mais on peut aussi s'en servir comme plateforme en rebondissant. Excusez-nous, il est tard. Dessus. C'est un émerveillement de chaque instant, que ce soit sur le fond, sur la forme. C'est un excellent Super Mario Bros et ça fait diablement plaisir. Moi vraiment, je ne l'ai pas lâché et on a cette qualité vraiment Nintendo qui est là et oui, c'est vraiment un Super Mario sous en fait quoi, et moi ça a été un bonheur du début jusqu'à la fin. Alors je dirais même plus, c'est que moi techniquement j'ai joué à énormément de Mario que j'ai commencé. T'as commencé beaucoup de Mario, ouais. Et je n'en ai jamais fini un seul, parce que j'ai toujours fini par lâcher le truc, ça a fini par me saouler. Mais pas New Super Mario Bros. U, tu l'as fait à 100% avec papa. Ah oui, mais c'est quand on joue à deux sur certains niveaux. Oui, mais même, j'ai fini par te laisser finir tout seul. Mais en fait. C'est de temps à autre. Clairement, quoi. Globalement, c'est moi qui ai fait le jeu quand même. Te laisser finir tout seul. Moi, j'étais là une fois de temps en temps parce que voilà, mais sinon, non, clairement, les Mario, c'est pas fait pour moi. Et pourtant, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc j'ai toujours voulu quand même essayer à chaque fois, en espérant qu'un jour un épisode enfin finisse par m'accrocher. Et là, bah, pour une fois, j'avais vraiment la volonté de le finir tout seul. Clairement, alors j'ai un peu triché parce que parfois, quand c'était vraiment trop trop dur, j'ai pris Carotin ou j'ai pris Yoshi. Trop dur, hein. Mais quelque part, j'ai réussi à le finir de moi-même et c'est le premier Mario que je finis. Donc je pense que ça, on peut dire que c'est un gage de qualité, je pense. Juste aussi avant que j'oublie, des musiques super encore, comme toujours avec la saga, mais il y a des musiques qui vont vraiment devenir des thèmes qui vont devenir iconiques. Et il y a une mention spéciale au doublage, parce que c'est la première fois depuis plus de 25 ans qu'on n'a pas donc Charles Martinet qui fait la voix de Mario et de Luigi. C'est Kevin Afghani qui a repris le rôle. Oh, heureusement que t'as une bonne mémoire des noms, parce que là j'avais encore un trou là. Je le connaissais même pas. Et en fait, on pouvait s'attendre au pire, on avait un peu peur de ce que ça allait donner, et en fait, au final, on voit quasiment pas de différence. Il s'en sort extrêmement bien, et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait très plaisir. Ouais, non, et vraiment... Donc, on vous renvoie sur le test de Madame Maman sur Geeks by Girl. Oui, où tu as donné ton avis, d'ailleurs. Et j'ai été invité pour donner mon avis aussi. Bah quel bonheur quand on est fan de Mario d'avoir un jeu comme cela face à soi, c'est assez magnifique. Et comme Axel, pourtant qui est fan de Mario aussi, bon bah il a pas eu le temps parce que les journées ne font que 24 heures, hein, voilà comme on dit, d'où le pourquoi du comment de l'absence de Sonic aussi, comme on vous le disait. Axel a pu terminer. C'était peut-être. Je pense que c'était ton jeu le plus attendu de cette année. Enfin, quand je dis je pense, à mon avis, je me trompe pas beaucoup. T'as pu terminer, tout du moins, la trame principale. Là, je sais que tu, là, t'es parti dans ta mission platine. T'as terminé Spider-Man 2 sur PlayStation 5, n'est-ce pas? Je pourrais te dire 2-3 petits trucs dessus parce que bah j'ai pas eu le temps de m'y essayer, mais j'ai vu beaucoup Axel y jouer et d'un point de vue juste extérieur déjà j'aurais des choses à dire sûrement toi aussi madame maman, mais du coup Axel toi tu étais un grand fan du Spider-Man de la PS4, tu as été encore plus fan je crois de Miles Morales qui accompagnait le lancement de la PlayStation 5. Oui. Alors du coup qu'as-tu pensé de ce Spider-Man 2? Bah pour moi je pense que c'est le meilleur des trois qui est eu. Donc oui, en plus c'est vraiment diversifié, l'histoire est hyper intéressante, ça reprend l'histoire qu'il y a eu des deux épisodes précédents. Il y a de l'action, voilà, ça prend la suite, tu veux dire oui, plutôt. Oui, voilà. La dynamique et tout. Donc oui, franchement, c'était super hein, c'était un excellent Spider-Man, rien à dire de plus. Les points forts pour toi, ce serait quoi si tu devais convaincre quelqu'un d'y jouer? Bah, ce serait les combats hyper dynamiques et tout. Le monde aussi, la map, elle est plus grande que les deux épisodes précédents. Alors, ça se passe toujours à New York, c'est ça? Mais ouais, t'as un quartier supplémentaire où tu peux aller. Deux, trois. Et l'histoire aussi qui est quand même. L'histoire, elle est quand même. Je trouve elle est incroyable en elle-même. Du coup, l'histoire j'ai énormément adoré. Du coup, voilà. Et donc, Oui, on va pas spoiler, mais il se passe énormément de choses. Ouais, tout bascule dans l'histoire parce que du coup, là, la particularité aussi, c'est que dans l'épisode PS4, donc tu avais Peter Parker, ouais. Miles Morales, c'était Miles Morales qui était donc le deuxième Spider-Man qui était le héros. Et là, ils sont là tous les deux, en fait. Et là, tu peux switcher de l'un à l'autre, c'est ça? Oui. Alors, pas totalement librement, je crois. Il y a des missions qui sont, d'après ce que j'ai compris, que seul Miles peut faire et d'autres, seul Peter peut faire. Ouais, voilà. Et aussi, des endroits sur la carte, comme le premier, genre accomplir des bases ou quoi que ce soit, des fois, seul l'un des deux peut le faire. C'est dans les missions qui sont pas scénarisées, en fait, où tu peux prendre celui que tu veux, je crois. C'est ça? Celles qui sont pas dans le scénario principal, là, tu peux choisir l'un ou l'autre. Dans les quêtes annexes, tu peux choisir de prendre Miles ou Peter, en fait. Là, t'as le choix. Sur la carte des quêtes annexes ou des trucs. Là, t'as le choix, par exemple, là, je pense. C'est ça? Ouais. Mais genre, certaines caches ou endroits, faut un seul Spider-Man en particulier. D'accord. Ok. Donc, tu disais qu'on retrouvait le dynamisme des combats. Est-ce qu'ils ont changé il y a des petits trucs en plus en termes de gameplay pour les combats ou c'est vraiment quasiment pareil? Pour les combats, maintenant, faut attendre que la jauge de concentration soit au max pour pouvoir se soigner. Alors j'avoue c'est quand même chiant étant donné qu'avant c'était pas obligé. Ah avant tu t'étais pas obligé d'attendre. Non, ça c'est chiant maintenant, c'est dommage. Et puis voyage rapide, faut déjà commencer par progresser un petit peu sur le quartier déjà. Genre avant dans les deux premiers épisodes, c'était des stations de métro que tu pouvais prendre directement. Maintenant faut attendre la progression. Enfin faut la progression du scénario principal. Non, c'est ça? Non, du quartier. Ah d'accord, ok. Faut attendre de progresser le quartier, et au bout d'un moment tu débloques au voyage rapide, mais cette fois-ci c'est n'importe où, c'est pas une station ou quoi que ce soit. On peut voyager n'importe où. Donc ça, tu trouvais que c'était mieux avant? Non, en vrai ça revient au même, je pense. Ça revient au même? D'accord. Et alors pour quelqu'un qui est nul comme moi, tu le conseillerais ce Spider-Man 2, ou clairement je veux pas accrocher? Oh non, tu vas accrocher, hein, je pense, l'histoire. L'histoire elle est suffisamment captivante pour qu'on s'y attache, disent les termes. Donc oui. Puis t'as des niveaux de difficulté aussi, donc tu peux y jouer en normal, en facile, en je sais pas quoi. Enfin, je pense que tout le monde peut. T'as même un mode super facile, je pense. Tu dois avoir un mode histoire où les combats sont très faciles. Bon, toi, tu l'as fait en normal. Oui. Comme d'hab. Donc je pense que tout le monde peut. Si tu veux juste éclater, pas te prendre la tête avec les boss et les. Parce que je regardais Axel, il y avait quelques boss vers la fin qui sont assez costauds. Donc pour quelqu'un qui aurait peur de perdre, un mode facile, et puis voilà, si tu veux suivre l'histoire, c'est vrai que là on va pas spoiler, mais il se passe beaucoup de choses. Moi j'ai vu Axel jouer, il se passe énormément de choses avec entre MJ, il y a bon Harry, c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans les bandes annonces, donc voilà. On sait très bien. Peter et Miles qui ont du mal à gérer leurs deux identités en même temps, mais ça c'est un peu le leitmotiv de Spider-Man, j'ai envie de dire. Moi ce que j'ai retenu, alors Axel me dira s'il est d'accord, mais quand j'ai vu, moi c'est la surpuissance de la mise en scène. Il y a vraiment dans les scènes d'action, elles sont hallucinantes. de dynamisme et de beauté. Le jeu est très très joli. Vraiment. Alors, moi, ce qui m'a bluffé, c'est le fait que c'est un monde quasi ouvert, clairement. Bah, c'est un monde ouvert. Oui, c'est même carrément. Ah, si, si, c'est un monde ouvert. C'est oui. carrément un monde ouvert, même si on est cantonné, à New York, mais c'est un monde ouvert. Et le fait que dès qu'on se déplace en tirant des toiles avec Spider-Man, clairement, il n'y a rien qui pop, tout est fluide, il n'y a rien qui charge. C'est impressionnant. Franchement, la technique est impressionnante. Ah oui, oui. Ça reste fluide du début à la fin. La distance d'affichage. C'est. Bon, en fait, dans la mise en scène, à chaque fois que je vois Axel jouer à Spider-Man, dans la mise en scène des combats, j'ai l'impression de voir un jeu Spider-Man sous influence Uncharted, en fait. Tellement c'est grandiloquent et en même temps, t'as quand même le contrôle très régulièrement. Bon, après, t'as des petits QTE, tout ça, machin, mais c'est. T'as beaucoup de QTE ? C'est quoi ? Tu sais, c'est quand tu dois toucher un... Alors, à QTE, c'est vrai que on utilise peut-être le, oui. le terme de l'époque, c'est quand tu dois juste toucher un bouton au bon moment pour que l'action continue. Bah oui, t'as des fois des scènes où tu dois appuyer sur des boutons vite parce que sinon, bah tu foires le passage. Du coup, oui, des fois, il y en a. Mais de là, on dire beaucoup... Non, il y en a ouais, ni ça. Trop peu, ni trop peu. Non, parce que moi, ça, j'aime pas, ça. Dès qu'il me force à, comme je sais jamais où sont les touches, dès qu'il me force à faire un... Mais en vrai, ça va, t'as quand même, une ou deux secondes de réflexe. Enfin, non, deux secondes plutôt, de réflexe. Qui te laisse le temps. Quelles sont les différences, en fait, majeures entre Peter Parker et Miles Morales quand ils sont Spider-Man au niveau du gameplay? C'est quoi le... Est-ce qu'ils se jouent de la même manière et c'est juste un nom différent, un costume différent ou il y a vraiment des vraies différences? Bah, vraie différence, c'est les pouvoirs déjà. C'est surtout les coups spéciaux à force de comment dire. Miles Morales, c'est l'électricité? Non. Si l'électricité. C'est ça. Voilà, du coup les coups spéciaux, voilà, parce qu'il y en a quatre. Du coup, c'est et chacun correspond à un bouton. Voilà, parmi les quatre boutons de la manette. Ouais. Du coup, voilà, genre celui du haut, bah c'est triangle, faut appuyer. Plus L1, voilà, merci Sus. Oui, c'est un gameplay classique, voilà. C'est-à-dire tu une des gâchettes plus oui, voilà. plus un des boutons. Oui. Voilà. Et c'est aucun entre, il y en a aucun en commun, c'est chacun différent et chacun son pouvoir. Genre. Oui, parce que Peter Parker, lui, c'est le symbiote. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais on spoil un peu symbiote. Peut-être là. Non. Bon, tout le monde s'en doute. Tout le monde sait qu'il y avait un homme dedans. On l'a tous vu dans les. Oui, voilà. Non, c'est pas le symbiote. C'est pas le symbiote de base. C'est le Il utilise des appareils électriques. Enfin, il a repris. Là, bon, un peu. Non, ça se peut pas. Il a repris l'appareil du d'Otto Octavius là avec les pinces là. Ah, les bras, les bras mécaniques là. Ouais, ils s'en servent du coup pour se battre. Et puis Miles Morales, bah oui, c'est l'électricité. D'accord. Bah, mais alors dernière petite question, c'est que je sais que tu avais préféré Miles Morales à Spider-Man 1 parce que tu disais que Spider-Man 1 était un peu trop long, tu trouvais à boucler. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu entre les deux, Spider-Man 2. Il est plus long que Miles Morales, mais il m'a l'air un peu moins long que le Spider-Man 1. Est-ce que je me trompe ou... Non, je pense que c'est les deux pareils. C'est juste... t'avais le vrai problème, je pense, de Spider-Man 1, t'avais beaucoup trop de trucs partout. Et du coup, ce qu'il fallait à gérer, c'était un peu long et chiant. Trop de quêtes annexes sur la map qui popotent partout et qui n'étaient pas toujours très intéressantes, voilà, c'est ça? Et bah attends, n'en parlons pas aussi des DLC du premier. J'espère que dans ce Spider-Man, il y aura des DLC. Il y a qu'à espérer. Donc les quêtes annexes sont plus intéressantes dans le 2, en fait, pour toi? Oui, parce que... Enfin non, pas en soi plus intéressantes, mais il y en a un peu moins, parce que le problème du premier Spider-Man, t'en avais beaucoup trop. Oui, ils avaient trop chargé, quoi. Un peu trop chargé. Là, ça va, en vrai, oui. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que je pense que t'as d'autres joueurs qui sont comme toi, ils aiment pas avoir trop de points d'intérêt sur la map quand il y en a trop. Au bout d'un moment. Après, tu sais plus où tu vas. Moi, c'est pareil, ça m'angoisse parce que je me dis je pourrais jamais tout faire et ça me. Moi qui aime bien compléter, qui est la complétude. En tout cas, c'est un jeu. Moi pour. Et j'ai entendu des journalistes JV le dire aussi, c'est que c'est un jeu. Tu vois quelqu'un y jouer, même si t'en as rien à secouer à la base, tu regardes et tu te poses devant tellement. C'est animé avec maestria tellement le jeu est vraiment très très très très joli. Enfin, vraiment, c'est visuellement, c'est une grosse expérience et ça a l'air d'un dynamisme incroyable en termes de combat. Ah, mais j'avoue, moi, j'attends juste d'avoir un peu de temps pour pouvoir m'y lancer, hein, clairement. Bon, là, j'ai plein de tests qui nous tombent dessus, mais bon, on n'est pas sûr du familial, donc voilà. On aura beaucoup de jeux à vous parler là, le mois prochain. Ouais, mais on a pas beaucoup de choses familiales quand même. Hein. Là, on est dans du lourd. Bon, lourd, on va bien trouver. Mais j'attends qu'une chose, c'est d'avoir un peu de temps pour pouvoir m'y lancer. Clairement, là, celui-là, moi, je vais le faire. Donc, t'es pas déçu, Axel, alors? Non, pas du tout. Tu lui mettrais quelle note sur... D'ailleurs, on n'a pas noté Mario, mais... Noté Mario. Bon, enfin, moi, c'est pas, un... enfin, c'est pas un scoop, mais bon, vous devinez un peu la note. Bah, pour moi, c'est 10, hein. Enfin, non, 20. Ouais, c'est... On a... ouais. Ah, carrément un 20. C'est la première fois que tu mets un 20, dis donc. Non, mais incroyable l'histoire qu'on... Faut qu'on... Non, je rade. Bah, tout a plu, quoi. Enfin, l'histoire, le gameplay, le... C'est vrai que t'étais scotché. Bah, c'est un sans faute pour Spider-Man. Mmh. Remarque qu'il a pas donné de défaut, hein. Il a pas. Il lui a pas. Tu as trouvé un défaut ou. À part qu'il faut juste attendre que la jauge de concentration soit au max pour pouvoir te soigner, non, je vois pas. Pour moi, c'est le seul truc à peu près que je vois qui pourrait potentiellement être chiant, mais. Et encore, ça, c'est pas un défaut suffisant pour que tu baisses la note. Bah, non. Non, ça va. On rappelle que c'est que sur PlayStation 5. C'est une exclue. Non, on va pas pouvoir donner de notes parce qu'on n'y a pas joué. Non. Par contre, on a oublié Mario... de donner nos. Voilà. Bon, bah, moi, Mario, c'est 5 sur 5. Hein, donc, 5 sur... Je me crois sur Geeks by Girl. Oui, non, mais moi, je m'en mets les pinceaux parce que sur Geeks, c'est 5. Et voilà. Mais sur Geeks, c'est moi qui ai donné une note, c'est pas toi. Oui, je sais. Mais je t'avais dit, t'as mis 5? Ah oui, j'aurais mis 5 aussi. Donc, c'est pour ça. Bon, bah, Va-t-on avoir le premier 20? Là, ça sera un bon 10, un très gros 19++, pour moi, Ouais, pour pas dire 20, quoi. Mais 20, qu'est-ce que tu attends? Non, parce que j'aurais aimé qu'il y ait une map spéciale en plus. Je trouve pas de défaut fondamentalement à Mario Wonder, si ce n'est que j'aurais voulu avoir des niveaux spéciaux en plus, voilà. Mais un 19 sur 20 vraiment voilà, bien ma stock. Moi ce sera un 19 aussi. Bon bah voilà que des bien belles notes, vous nous direz sur les réseaux sociaux ou sur le Discord pour les patrons ce que vous avez pensé de ces jeux et nous on est contents d'avoir pu y jouer parce que on remercie encore Geeks by Girl notre partenaire parce que bah c'est vrai que on peut pas tout acheter, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément l'argent. Donc peut-être que ces jeux-là vous allez y jouer là pendant les fêtes etc. Donc bon bah on s'est dit que très humblement bah notre avis peut-être vous fera basculer sur l'un et l'autre. Si vous pouvez, si vous avez moyen, vaut mieux prendre les deux, je pense. Et là, tout le monde sera content. Youpi, dans les foyers. Eh ben, c'est ainsi qu'on va terminer cette rubrique Taste de jeux vidéo. Et donc, préparez votre petite feuille et votre petit stylo, parce qu'on va jouer au Family Bac, donc le baccalauréat du jeu vidéo, pas plus tard que... Je laisse le temps de prendre une petite feuille, un petit stylo. Pas plus tard que tout de suite. Il est là, le temps du Family Bac, notre jeu que le monde nous envie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou si ça vous trouvez que c'est un petit peu long, je ne sais pas. Ou redondant, ça peut aussi. Ou redondant. Madame Maman, peux-tu nous en rappeler les principes fondamentaux, s'il te plaît? Les règles sont simples, en fait, c'est celle du baccalauréat, tout bête. Hein. Donc, on a plusieurs catégories, catégories à trouver. Avec donc notre superbe roue, je la sors, voilà. Fait maison. Qui va nous permettre de trouver une lettre. Et avec cette lettre, il faudra trouver donc un titre, un terme, un personnage ou une créature, un studio ou un éditeur et un lieu. De jeux vidéo, hein, faut préciser. Bien depuis évidemment, le début, de jeux voilà. Vidéo. Nous sommes partis sur le jeu vidéo depuis le départ, puisque c'est le Family Bac du jeu vidéo. Voilà. Et donc, pour toute personne qui aura trouvé une réponse... et qui sera la seule à donner cette réponse, ce sera 2 points. Si 2 personnes ou 3 ont la même réponse, ce sera 1 point. Et si personne n'a rien trouvé, eh bien ce sera 0 point. Voilà, et je pense qu'on peut désormais se lancer sur le Family Bac. Ça va encore être épique, je le sens. N'hésitez pas à jouer chez vous. D'ailleurs, le petit papier, le petit crayon. Le petit crayon, oh. Spéciale dédicace à Yetcha, l'un des contributeurs du Patreon qui nous donne ses résultats à chaque fois. Tous les mois. Il a des très très très très bonnes trouvailles. Hein. Sur le Discord. Il ne dort jamais en fait. Sur le Discord. Et vraiment, bah, merci à lui. Parce que c'est toujours intéressant de voir vos réponses. Hein, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux aussi, hein, où vous voulez. Du coup, oui, rappelle quand même des points. Alors, je crois que c'est moi qui mène. C'est Monsieur Papa qui mène avec 33 points. Oui, on va avoir beaucoup de mal à le battre, je pense. Ouais. Lui, moi, juste derrière à 22 points. Donc là, l'écart se creuse beaucoup. Et Axel, juste derrière moi, qui me talonne avec 20 points. J'ai envie de tout casser. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. On va essayer de battre Monsieur Papa. C'est pas gagné. On va rater. Le timer. Axel, tu as oublié ton portable. Parce que c'est toi qui gères le timer avec ton tel. T'étais pas obligé de le préciser, ça. Bah si, on le dit à chaque fois. C'est pas grave, je peux gérer le timer. Ah, maman, elle a sa montre magique. Ouais, enfin, parce que j'en peux plus utiliser ma batterie à chaque fois. Oh là là, ouais. Le pauvre, faut qu'il utilise son portable. Quel effort. Je suis Zara, tu crois quoi. Nous, on installe tout le matos. Monsieur, il a que son portable à prendre et c'est... C'est la fin du monde. Même pas, c'est juste, je suis un rat, voilà. Ah. Un pigeon rat, plutôt. Je cherche le chronomètre. Non, un pigeon, c'est quelqu'un qui... Comment, qui dit oui à tout et qui se fait avoir, ça n'a ah quoi que oui, donc dans ce cas-là ça alors, peut. Alors c'est bon, mon chronomètre est prêt, je n'ai plus qu'à lancer. Bref. Axel, si tu veux bien pour okay. La première lancer la roue. Alors. Oui oub. Whiz. Nous sommes tombés sur K. Bon, je crois que pour le personnage ça va être simple. Ah, si. Il faut que quelqu'un se démarque. Si, moi ouais, j'ai trouvé, j'en ai deux déjà. C'est mais bon, oui, mais le moi aussi, mais le timer alors. Ah pardon, autant pour moi. Donc attention, c'est parti. Fini. Ok, bon bah 44 secondes, il me manquait le terme moi mais... Attendez, vous avez tout trouvé vous? Moi, j'ai... Presque tout, il me manque juste le terme. Bah moi j'ai fini, j'ai tout trouvé. Je crois que c'est la première fois depuis le début du jeu. Bravo. J'ai envie de crever en fait. Je pense qu'on va avoir des réponses en commun, je pense malheureusement. Oui, parce que pour le nom du personnage j'ai voulu éviter la facilité, mais le deuxième que j'ai trouvé je suis sûr que c'est le même que le tien. Ça veut rien dire. Bon. Alors. Oui c'est possible, on remarque. Alors, titre. Titre, moi j'ai Kirby Dream Land. Ah. J'ai envie de me tirer une balle. Ah. Parle bien devant le micro, t'as Axel. T'as pas pensé au Kirby? Non. Je pense à rien. T'as pensé à rien? T'as rien trouvé? Non, juste passez-moi un pistolet, je me tire oh, une balle. Oh, c'est bon, on a compris, Axel. Non. Bah, moi j'ai pensé à Kingdom Hearts. Ah, bien. Donc, moi j'ai deux points. Terme. Alors, terme. Pour moi, c'est validé. Hein. On demandera à notre maître huissier Kirby. Mais dans les jeux de baston, quand tu te fais bolosser, t'arrives au KO. Mmh. C'est utilisé non. dans les jeux de baston. Non. Ah bah non, si, non, si, non. Si, si, si, si. Ah mais si. On est dans l'abus, monsieur. Non. Ah écoute, allez. Et toi, t'avais trouvé quoi? Rien du tout. Moi, j'avais pas trouvé, moi. Personnage. Moi, j'ai trouvé Kairi. J'ai mis King K. Rool, boss dans Donkey Kong. Hein, ah, bien. Ah, joli. Alors moi, je pensais que tout le monde allait prendre Kirby, donc j'ai mis Kratos. J'avais pensé à Kratos aussi. C'est avec un K? Oui, c'est avec un K. Oui, c'est avec un K. J'avais pensé à Kratos. Bon, bah, on a tous deux, alors, sur le perso. Très bien. Non, moi, j'ai... Bah, Kingdom Hearts, Kairi, je suis parti dans le reste, hein, moi. Studio éditeur, je pense qu'on a tous les mêmes. Non, moi, j'ai pris le studio Callisto. Ah. C'est avec un K. À ne pas confondre avec les bars Ballisto. Oui, c'est avec un K. Ah bon. Non, moi j'ai pris Konami. Je suis resté dans le classique. Moi aussi j'ai pris Konami. Bravo. Alors moi j'ai deux. Un point. Je sais que. Ouais. Et alors pour le lieu, moi je suis sûr que je suis le seul à avoir trouvé parce que là. Bah moi je suis pas sûr de l'orthographe alors. Ah alors on va vérifier ça. C'est quoi? Eh ben j'ai mis village Cocorico. Ah oui exact. Le village Cocorico. Mais je suis pas sûr que ce soit avec un K. Je sais pas si. Il me semble que dans certains. C'est. Non, il me semble que dans certains Zelda, c'est avec un K. Il me semble que c'est avec raison. Un K. Hein. C'est. Ah, il me semblait que dans certains épisodes, non, c'est avec un C. Il a raison. C'est un C. Ah. C'est un C. Mais j'étais pas sûr de l'orthographe. Ouais, bah non. Alors peut-être en anglais, non? En tout cas, en français, c'est avec un C. Alors, ceux qui nous écoutent, vous nous rectifierez le cas échéant. Mais moi, il me semblait que je l'avais déjà eu avec un K. Mais il en français, c'est avec aussi, un C. Mais non, bon, c'est bon. C. Bon. Alors, Axel, moi... t'avais trouvé quelque chose ? Hein ? T'avais trouvé quelque chose ? Non. Donc, chérie, t'avais trouvé quoi, toi ? Eh ben, moi... Alors là, je parle vraiment... Là, c'est... C'était impossible que vous trouviez. Alors, c'est Karamoun. Karamoun, c'est le lieu où se déroule Shadow of the Beast 2. D'accord. T'es un gros forceur. Ouais, bon, alors... Mais non ! Bah, c'est une de mes séries de jeux vidéo préférées, mais vous la connaissez pas, mais... Mais j'ai pensé à un... Je viens de penser à un lieu maintenant. Pourquoi j'ai pas trouvé Ah, plutôt... c'était quoi ? J'ai pensé à Kamurocho, comme dans Yakuza. Ah, mais bien joli. Sûr, pourquoi personne, j'ai pas... Pourquoi personne n'y a pensé à celui-là ? Ah, moi, je suis fan de Yakuza, pourquoi là, j'ai pas bravo, pensé... Alors là, bravo, chérie. Alors là, bravo. Putain. Allez, je te le rajoute 2 points, allez. Oh, merci. Oui ! Eh hey bah, attends, il est à la traîne. Bon, et comme je suis fan de Yakuza, je te donne ces 2 points aussi avec grand plaisir. Bon, alors... 2, 4, 6, 8, 10. Bah, moi, ça me fait 10 points. 4, oui, je sais, merci. 5, ça m'en fait 5. 27. Mon stylo fuit, au secours. Et Axel, ça lui fait 2. Je répète, mon stylo fuit, au secours. 4, 5. T'avais trouvé quoi comme personnage, toi ? King Charul. Ah, oui. Ça, bravo, fallait. Bravo. Putain, comment tu... Eh, t'as fait autant de points que moi, hein, donc si ah ça oui. peut te rassurer. Comment tu t'en es rappelé de King Karol, c'est excellent. Je sais pas, j'ai pensé comme ça dans ma tête, au pif. C'est dans quel Donkey... C'est dans le Tropical Freeze, ça, non ? Dans tous les Donkey Kong. Ah oui, dans méchant. Tous les Donkey Kong, on le trouve, effectivement, c'est vrai. C'est méchant, dans tous les Donkey Kong. À toi, donc, l'honneur de tirer la roue. Nous avons déjà fait le F, je crois. Le F ? Mmh. FF7 ? Oui, on a déjà fait le F. Alors, je recommence. Mais vas-y, carrément. Putain, y a une lettre, tu veux pas tomber. H. On a déjà fait le H. Oh, le H, on l'a pas déjà fait ? Si, il me semble. Si, on l'a déjà fait, je crois. Vas-y. Ah non, t'es toujours encore sur le H, là. Bah, et pourtant, je fais fort. I. I. On a pas fait I ? Il me semble qu'on a fait I. Non, on a pas fait I. Moi, j'aimerais bien demander le compte à rebours à une certaine... Ah bah non, elle est débranchée. Notre enceinte intelligente. I. Donc... vous êtes prêts ? Si on l'a déjà fait, le I. Non. J'ai regardé, je viens de regarder. Ah si ! Si. Non. Si, parce que j'avais dit Ikaruga pour le jeu. Si, on l'a fait une fois. Bah non, moi je l'ai pas. Bah tu l'as plus, mais on l'avait fait, le I. On l'a fait une fois, oui, je me rappelle. Non, oui. On a fait S, H, F... Ah si, I, t'as raison. Si, on l'a fait Attends une fois. Attends pour moi, vas-y. Ah oui. Oh bah décidément... Eh non, c'est toi qui as tiré ! Oui, vas-y. I. Z ! Oh putain. Z ! Là, ça va être chaud, les amis. On est parti ? On est... Attends, maman. Parti. C'est parti. Zalando, c'est pas possible. Non, mais c'est quoi ça ? Non, clairement, c'est pas possible. J'en ai 2, moi, mais... F0, ça compte pas. Hein. J'en ai 3. Comment tu fais ? T'es pas humain. Ouais, je confirme. T'es pas humain. Vous avez quoi ? Alors ? Moi, j'ai juste le personnage. Et encore. J'ai titre de jeu et perso. Ah, moi, j'ai titre de jeu, perso et terme. Non, mais toi, avec tes termes, t'es... Alors, le terme, à vérifier. Je vais vous le dire avant pour vous prouver que j'ai pas triché. Et après, on va vérifier. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et tu vas encore nous prouver que t'es un gros forceur. Mais non. Alors, le titre, vous avez quoi ? Zombie You. Ah, bravo! J'y ai même pas pensé, moi. Alors, moi, j'ai Z Out. C'est un shoot 'em up sur Amiga. Ah ouais, vous pouvez vérifier, ça existe. Hein. Oui, le forceur de sa culture. Mais non! Bah, c'est le but du jeu, non? Je vais pas... Si je connais un titre, je vais pas faire genre. Ah oh, bah non, parce que vous me connaissez pas, je vais pas le mettre. Terme? Alors, c'est là où j'ai un doute. C'est le Z Target. C'est la. Alors. un petit point culture jeux vidéo, c'est possible ou pas dans cette émission? Je pose la question. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Non. Bon, alors. Quand The Dark Arena of Time est sorti, c'est le jeu qui a démocratisé le fait de verrouiller un ennemi. Parce qu'avant, Ocarina of Time, c'était pas vraiment un code de jeu vidéo de verrouiller un ennemi. C'est la solution qu'avait trouvé Miyamoto et son équipe pour tourner autour d'un ennemi et le verrouiller. Ça, faut savoir que c'est Ocarina of Time qui a démocratisé ça. Bon, voilà. Et je sais que la technique, comme c'était avec le bouton Z de la manette N64, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle le Z-targeting. Alors, je vais revérifier. Alors, bougez pas. Voilà, c'est comme ça. On apprend des choses. Eh oui, voilà. Z-targeting Zelda. C'est le Z-targeting. Donc, c'est bon. Ok. Donc, 2 points. Et, personnage et créature. Zora. Les Zora dans Zelda. Ah. Moi, j'avais mis 0 le skin dans Fortnite. Oh, je te déteste. Moi, j'ai mis 0, mais en pensant à 0 dans Kingdom Hearts. Ah non, moi, le skin dans Fortnite. Mais c'est un skin, c'est pas un perso. Mais un skin, c'est un perso. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah si, hein. Ah, c'est un personnage qui s'appelle Zero, en fait. Oui, voilà, c'est un skin Fortnite. Mais c'est quand même un perso, ça compte. D'accord, ok. Du coup, je mets 2 ou je mets 1? Pourquoi? Bah, parce qu'on a le même... Il a le même nom, mais... C'est pas le même perso, mais c'est le même nom. Non, c'est Zero, pas Zora. Il a moi, dit Zero. Moi, c'est Zero, aussi. Mais c'est dans Kingdom Hearts. Ah, c'est pas le même. Bon, accordez-vous 2 points chacun, allez. Ok. Donc moi, ça me fait 6 points. Alors, je tiens à préciser, c'est 0 dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, dans... Voilà. Parce que... Bon, pour le reste, pas besoin de chercher, personne n'a trouvé. Hein. Pour le lieu, j'ai pas trouvé. Bah non, mais... Et studio éditeur? Bah non, je cherche pas plus loin, parce qu'il a dit, il avait le... J'ai pas trouvé non le plus. Le titre de jeu, terme et perso. Et t'as dit perso, alors, titre de jeu perso. Alors ça vous fait 4... Non, ça vous fait... Alors Bruno, ça fait 6, toi ça fait 4 et moi ça fait 2. Encore une fois, Monsieur Papa n'est pas humain. Ouais, mais il a plus de culture que nous, chérie. Ouais. Je ne désespère pas. De... Il faudrait me donner un malus. 4, 7, 9... Genre, j'ai que 30 secondes pour répondre. 6, ça, ça serait 4, compliqué, 9, mais... Là, tu perdrais grandement des points. Et tu savais, toi, que c'était Ocarina of Time qui avait démocratisé le système de verrouillage d'ennemis dans un jeu vidéo? Eh bien, moi, je savais. Tu viens de me rattraper. Ah, ok. Mais moi, je savais juste qu'Ocarina of Time, ça avait peut-être éventuellement démocratisé la 4D. La 4D, pourquoi la 4D? La 4D, c'est le temps. Si on se fie au truc mathématique, ce que je cherchais sur internet, la 4D ce serait le temps. Mais pourquoi Ocarina of Time a démocratisé la 4D? Parce que tu peux voyager dans le temps, genre t'as... Oui, entre le Link enfant et adulte. Ouais, enfin ce serait peut-être la 4D, mais en fait, pour qu'un jeu soit en 4D, tu vois, faudrait appuyer sur une touche qui te fait revenir dans le temps, quoi, tu vois. D'accord, bah, comme dans les sablés du temps. Bah oui, les rewind dans les jeux. Alors, je parle pas les rewind dans les jeux rétro pour que ce soit plus facile, mais je parle utilisé dans l'histoire ou dans le gameplay. Il y en a pas mal, oui, qui. Enfin bref, là on s'égare. Ah, maman, elle a déjà. Ah! Ah! Ah, ça va être bien ça. Compte Arbure? Ça va être bien. Compte Arbure! Attention! Top, c'est parti! Alors. Alors là, je suis fatigué, je bloque total. Oh merde, j'en ai que 3. Combien de fois que j'ai gagné? Ah, c'est toi qui as tout eu là? Ouais. Ouah, j'en ai 2, moi. C'est pas juste. Mais je sais. Je sais. Oh, mais je suis sûr qu'il y en a des super évidents, mais là j'ai. Alors, titre? J'ai Keblo. Astro Playroom, hein, je me suis pas. Ah, bien! Joli! Aquaventura, c'est un vieux jeu Amiga. Ouais. Oh. Alan Wake. Ah, bah oui, bah oui. Même le terme. Alors, Excel de Bruno 2, on a 2. Terme. Terme, j'ai action-aventure. Moi, j'ai Action RPG. Fais chier, j'ai rien. Hé, hey, les gros mots. Tu veux dire mazette et boule de gomme. T'as trop couché. Personnage et créature. Azobi. Oh, bah, joli. Bien. À quoi? Dans Kingdom Hearts. Oh, joli. Oh. Alan Wake. Oui. Très, très bien, bah oui. Alan Wake. Et après, studio, j'ai... Avalanche. Ah, bah oui. Oh. Bah oui. Ah. Oh. Et le lieu? Arendelle, dans Kingdom Hearts. Mais, pff, oh là là. Mais moi, chaque fois que je trouve un lieu, c'est une ville dans Fortnite, forcément. Encore faut-il ne pas les inventer. Encore faut-il qu'elles existent. N'est-ce pas? Alors moi, j'ai trouvé... Vous me ferez le plaisir. Aklapop. Aklapop. Alors Aklapop, c'est une ville... je te crois pas. C'est une ville dans les nuages, dans Fortnite. Aklapop. Essaye que ce soit au moins crédible. Ah, je remonte, ouais. Alors moi, ça me fait 6 points. Alors, 2, 4, 6, ça te fait 6 points, effectivement. Donc aujourd'hui, j'ai fait 22 points aujourd'hui. Hop, et Axel, ça lui fait 2, 4, ça lui fait 33. Ah, dommage. Alors donc. Tu en avais dit qu'en dessous de 35, tu serais privé de dîner. Tant pis. Dommage. C'est dommage pour lui. Donc, si nous faisons le résultat les totos. Quels sont les totos? Quels sont les totos? Bruno. On n'est pas au Super U. Donc, toujours en tête avec 55 points. Je pense qu'on n'arrivera jamais à le détrôner. Moi, je suis derrière avec 39 points. Et j'avoue que le dernier, le A, m'a bien aidé quand même. Et Axel est en dernière place avec 33 points. Donc, il peut encore bien remonter. Axel aussi, c'est un autre personnage de jeu. Il y a un Axel dans Kingdom Hearts, non? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oh. Arrêtez parce que je vais finir par tout casser. Ah, et c'est pas de notre faute si. Et puis en plus, il y avait un Axel. Il nous fait du Daniel Balavoine. Il y avait un Axel dans Street of Rage. Mais tais-toi, non. Bah, techniquement, ton prénom vient de là. Ah hein. Oui, bah oui, en plus. Street of Rage. Eh oui. T'aurais quand même pu y penser. Exact. Évite de m'humilier en public. Voilà. Oui, parce que je suis psycho. Oh. T'arrêtes un peu. Non. Et ben voilà, donc encore une victoire de papa. Une victoire de canard. C'est ça. C'est un alien. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à nous faire part de vos réponses. Là, c'est vrai que sur le A, moi j'ai bien bloqué sur Studio Éditeur. Mais... Ah oui, je suis content. Oh, mais là, il y en a plein qui me viennent en tête maintenant, là, c'est terrible. On espère que vous avez bien rigolé avec nous, n'est-ce pas? Et puis, normalement, si je me trompe pas, là, on s'achemine vers la fin de l'émission. On a les recos. Les recos, j'y vais. On a les recos, vous voyez, voilà. Quand on dort, c'est quand même toujours un petit peu mieux. Donc, on va se retrouver sur les recos pas plus tard que maintenant. À tout de suite. Nous voilà donc venus au moment des recommandations et chose exceptionnelle, c'est la première fois pour cette nouvelle saison, c'est qu'il n'y a que maman, Madame Maman, qui a des recommandations puisque bah moi de mon côté entre le taf, Family Pack, les jeux à jouer, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup le temps de découvrir de nouvelles choses en dehors de ces domaines-là. C'est vrai que moi, je ne fais rien la journée, donc j'ai le temps de regarder mais plein non, de choses. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Et puis moi, de toute façon, j'ai déjà posté toutes mes recommandations musicales sur le Discord pour les Patreons. Du coup, il y a tout là-bas. Donc, vous pouvez prendre l'abonnement sur le Patreon si c'est pas encore fait. Merci pour la pub. Oui, c'est vrai que sur le Discord, Axel publie... C'est trouvailles musicales et c'est voilà, c'est vraiment chouette. Et ça discute dur sur le salon de musique depuis qu'on l'a créé, ça ouais, discute fort avec les patriotes. C'est vrai. Chacun y va de sa petite recommandation, c'est assez ça sympa. Ça discute Moi, j'ai fait plein de découvertes. Ouais, moi aussi, ça discute aussi dans les autres sections, j'y vais, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et donc Madame Maman, tu voulais nous parler de quoi qui ne ressemble pas de loin ou de près à un jeu vidéo? Eh ben moi, je vais vous parler de la nouvelle série qui vient d'arriver sur Disney+, et qui en fait reprend une série de livres qu'on a tous, enfin, que beaucoup très d'entre connu. Nous ont connus quand ils étaient enfants. Je voulais parler bien sûr des Chairs de poule. Alors, il y avait aussi une série télévisée qui était arrivée dans les années 80-90, je crois. Dans ces eaux-là, oui. Et en fait, moi, je vous avoue que les chairs de poule, aussi bien en livre qu'en série, j'étais pas très fan parce que j'ai jamais trouvé que ça faisait peur. Et j'étais plus une grande fan d'une autre série qui passait à peu près au même moment en France, qui s'appelait Vivement lundi. C'était les Fais-moi peur. Donc j'étais beaucoup plus une fan de Fais-moi peur que de Chair de poule. Alors il y a quelques années, ils ont fait des films Fais-moi peur, mais ça n'avait plus rien à voir avec la série et j'étais un peu déçue. Et là, ils ont sorti une nouvelle série Chair de poule. Alors qu'il y a quelques années, ils ont sorti des films avec Jack Black, qui était ma foi pas mal. C'était un bon petit film popcorn, assez sympa. Et comme tout le monde, hein, j'en ai lu des Chair de poule. Et là, je me suis plongée dans la série. Et figurez-vous que j'ai bien aimé. Alors la fin n'est toujours pas arrivée à l'heure où on enregistre ce podcast, puisqu'il manque encore 2 épisodes. Mais je dois avouer que pour une fois, Chair de poule m'a fait frissonner. Oui, R.L. Stine a enfin réussi à me faire peur. Et j'avoue que j'ai bien aimé. Alors sans non plus être caché sous les couvertures, parce que ça reste quand même bon enfant. Pour ça, faut faire jouer maman à RE4. Voilà, petit tuto très simple. Pour justement, là je te coupe... Vu que au niveau de l'âge, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être regarder ça en famille, moi j'ai vu un peu d'un œil distant pendant que je faisais autre chose et que tu regardais. Une dizaine d'années, à peu près. Je dirais que c'est à peu près ça. Après il y a des jumpscares, parce que forcément c'est la solution de facilité, mais il y a rien de vraiment méchant. J'aurais dit 12-13 ans. 12-13 ans, oui. Moi, j'aurais tendance à descendre à 10 parce qu'il y a rien de vraiment très très terrorisant non plus. C'est un petit peu malaisant, mais ça reste pour les enfants. Hein. C'est sur Disney+, il y a pas... voilà. Mais j'avoue que j'ai bien aimé. On y retrouve Justine Long. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vue. Les acteurs sont assez bons dans l'ensemble. On se prend bien au jeu. Et j'avoue que non, c'est une petite série que j'ai bien aimée. Donc je voulais en parler aujourd'hui, voilà. Et donc tu avais une deuxième recommandation. Ah oui, alors là attention, on touche à quelque chose du cœur pour moi, puisque comme vous le savez... On touche au sacré. Voilà, comme vous le savez, donc grande fan de Harry Potter que je suis, et ça fait quelques années qu'ils ont commencé à ressortir les premiers Harry Potter, mais dans une édition... l'édition Minalima, voilà, parce que c'est un groupe de... Alors, c'est 2 graphistes. Et donc, là, depuis quelques jours, est sorti donc Le Prisonnier d'Azkaban, c'est le 3e. Donc, on a déjà le premier Harry Potter à l'école des sorciers, on a le 2e Harry Potter à la Chambre des Secrets qui est sorti. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais essayer de montrer à la caméra, ça va pas être évident. Chaque page, en fait, est entièrement designée par le studio Minalima. Ça fait des livres absolument fantastiques. Il y a des petits pop-up à ouvrir, il y a des choses à tirer, il y a plein de petits trucs à ouvrir, à scratcher, à déscratcher. Enfin, c'est vraiment... ces éditions sont fantastiques. C'est très très bluffant. C'est vraiment... ils sont vraiment magnifiques. Et les redécouvrir comme ça, franchement, c'est... Alors, les livres sont un petit peu chers, mais franchement... je crois que le premier était à 35, le deuxième était à 35€. Moi, je trouve que par rapport au contenu... Et celui-là est à 40€, mais sincèrement, ça les vaut, ouais, ouais. Mais largement. C'est pas du vol, hein, je pense. Non, clairement, c'est vraiment... Le souci du détail est absolument superbe. Enfin, moi, à chaque page, je suis bluffée, quoi. Et vraiment, si vous êtes fan d'Harry Potter ou si vous connaissez un fan d'Harry Potter, c'est le cadeau ultime. Moi, j'en suis... Et là, franchement, s'ils continuent à faire ça sur toute la collection, je me rachète toute la collection, quel que soit le prix des derniers bouquins. Parce que, bon, forcément, plus ils vont grossir, et plus ça va coûter cher, je suppose, mais... Mais sincèrement, même si on en arrive à la fin à un bouquin à 50 balles, moi, je vous le dis tout de go, je l'achète. Clairement, je l'achète, parce que vous imaginez même pas le travail de dingue qu'il y a dans ce bouquin. Alors après, les traductions, c'est les mêmes que celles de Gallimard depuis des années. Quoique c'est les dernières, je crois que c'est celles qui ont été reprises pour coller plus au texte original de J.K. Rowling. Mais ce serait la deuxième traduction, du coup, voilà. Ce qui serait logique. Hein. Mais il n'y a rien de nouveau. Mais par contre, chaque page, mais vous n'imaginez même pas... regardez, par exemple, je vous montre sur celle-là. Donc vous savez, Le Prisonnier d'Azkaban, ça parle du Sinistros. Et là, on est en cours de potion avec le professeur Trelawney. Et en fait, on doit... Alors, normalement, voilà. Là, vous avez le thé, et une fois qu'on a fini de boire le thé, hop, on a tourné la cuillère et on a le sinistros. C'est des petits trucs comme ça qui font qu'en fait, ces bouquins sont absolument superbes. Et ben moi, je vous dis, ça peut faire un magnifique cadeau de Noël. Voilà, ça, c'est une grosse recommandation et un gros coup de cœur en ce qui me concerne. C'est marrant parce que est-ce qu'on serait pas en raccord avec notre débat tout à l'heure des remakes? C'est une sorte de remake de bouquin, en fait. C'est ça, mais... Avec une immersion encore plus poussée. Exactement. Mais alors là, pour le coup... Je suis cliente grave. Ah oui, non, mais moi, ça donne presque... C'est même presque dommage de pas être fan d'Harry Potter quand on voit ça. D'ailleurs, Mina Lima, c'est ça, si je oui. prononce pas... Mina Lima, ils sont exactement. Ils font d'autres collections aussi, enfin, ils des réinterprétations fait d'autres... Oui, oui. Ils ont fait une version de, je crois, Blanche-Neige. Ils ont fait une version d'Alice au Pays des Merveilles. Il me semble qu'ils ont fait une version de Pinocchio aussi. D'accord, donc ils sont sur les grands là, classiques. Là, ils sont sur les... Sur, voilà, ils sont sur des œuvres largement classiques. Antérieures à Harry Potter, pour le coup. Voilà, et alors Mina Lima, j'ai toujours beaucoup de mal avec... mais ils ont des noms qui font très sorcier, c'est ça qui est assez rigolo. Ils font très Harry Potter, en fait. Voilà, c'est Mirafora Mina et Eduardo Lima, en fait, c'est deux graphistes d'Amérique du Sud, je crois. Oula, ça, originaire d'Amérique du Sud, il me semble. Et en fait, qui font un travail de dingue, qui travaillent depuis assez longtemps avec Gallimard. Et là, vraiment, ils ont atteint le sommet de leur art et franchement, ce livre est fantastique. Vraiment, si vous pouvez vous le procurer, si vous êtes fan d'Harry Potter, je vous le conseille très fortement. D'autant plus que si jamais un jour il arrive en rupture de stock, je sais pas s'ils vont le rééditer. Et franchement, vous risqueriez de regretter d'être passé à côté. Donc si vous êtes fan d'Harry Potter, pour faire plaisir à Noël, déjà, en priorité, il y a les livres de Madame Maman. Donc, tu peux nous rappeler tes deux ouvrages que tu as sortis sur Harry Potter? Bon, alors, par contre, mes livres, on n'est pas au niveau de Mina Lima, hein, mais bon, on a donc Harry Potter, le guide de Poudlard, ça c'est le deuxième qui est sorti, et le premier, Harry Potter, petite histoire et grand secret du monde des sorciers. Voilà. Voilà. On fait de l'auto-promo, hein, mais bon, vous nous excuserez. C'est tentant quand même, hein, il faut le dire, c'est tentant. Alors, en plus, là, si vous faites le pack, si vous avez les moyens, pour un ou une fan d'Harry Potter, alors là, vous lui faites son alors Noël, là, c'est Noël. Par contre, se renseigner avant, parce que pour la... Je pense pour Mina Luma, ça Mina Lima. Mina Lima, oui, bah bref. je pense que les fans hardcore, fatalement, vont se jeter dessus. Donc, il y a peut-être une prenez chance soin que, quand même voilà, avant de... Vérifier que la personne ne l'a pas encore acheté. Ouais, parce que... Enfin, moi, je me dis... moi, je suis fan d'Harry Potter, le bouquin, je... Parce que... j'ai regardé un peu quand Natacha le feuilletait. Il y a un côté immersif. On vit certaines scènes et certains pans du mythe Harry Potter de manière totalement différente puisque c'est comme un livre pop-up mais pour adultes en fait. Enfin c'est assez pour adultes pour tout public. Mais ouais il y a cette immersion. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Merci Madame Maman pour ces superbes mais de rien, j'espère que ça pourra orienter quelques-uns d'entre vous. Est-ce qu'il serait pas l'heure de se dire au revoir? Hélas. Hélas. Mille fois hélas. Mais nous allons nous dire au revoir. On va le faire dans la foulée. On va pas jingliser. Allez, soyons fous. Tout d'abord, merci encore. Merci mille fois de tout notre cœur au soutien Patreon, parce que heureusement qu'ils sont là. Comme on le disait, vous savez qu'on essaie de faire vraiment monter Family Pack le plus haut possible et ce premier cercle de fans, vraiment, c'est très important pour nous. Merci à vous qui nous écoutez aussi. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps de nous écouter et de partager, surtout, et de partager c'est l'émission. Important de faire connaître l'émission, c'est vraiment le plus important. Et puis si vous avez les moyens à partir d'un euro, vous pouvez nous soutenir donc sur le Patreon et avoir accès au Discord avec toutes les recommandations musicales d'Axel. Voilà, ça c'est le plus important. On remercie encore Geeks by Girl pour leur soutien indéfectible, pour c'est ce que j'allais dire effectivement. Pour les jeux que j'ai en test et qu'elles se décarcassent pour essayer de nous avoir pour qu'on puisse aussi les traiter dans Family Pack en parallèle, parce que la plupart des jeux qu'on va tester dans les jeux du mois, sachez que la plupart du temps une grosse partie du temps, vous avez les critiques, les tests complets qui sont dispos sur Geeks by Girl. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez en savoir encore un peu plus. Et merci à elles de leur confiance, vraiment, beaucoup. Et si vous voulez bah, nous rejoindre, être partenaire, n'hésitez pas, les réseaux sociaux, notre adresse mail, que je vais vous donner d'ailleurs. Notre adresse mail, bon, je l'afficherai en bas durant le montage. Donc c'est familypacktoutcollé.contact@gmail.com. On vous remercie grandement de nous avoir écoutés jusque-là. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Comme d'habitude, les patronnes auront l'émission une semaine en avance, en audio et en vidéo. Et la semaine d'après, c'est pour tout le monde. C'est open bar en audio. N'hésitez pas à partager un max. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission fort chargée. Puisque le mois prochain, on essaye, on est en train de mettre ça en place, on vous tiendra au courant. On va essayer de mettre en place nos petits awards à nous. Et Dieu sait que l'année a été riche en énormes jeux, ça va être compliqué. Ça va se battre, ça va se fight. Voilà, donc je ne sais pas comment on va appeler ça, des Family Pack d'or ou les Families, je ne sais pas, bon, Family ça fait cucu, c'est pas terrible. On essaiera de trouver un truc sympa. N'hésitez pas à nous proposer des noms, d'ailleurs. Voilà, on vous remercie. Axel, 13 ans, merci à toi. Pas de soucis. Madame Maman, merci à toi également pour ta présence, pour ton œuvre, pour ta vision. Ma vie, mon œuvre. Ta hauteur de vue. Et on vous donne donc rendez-vous à très très bientôt. Bye bye! Bye bye! Ciao!